closer I get to you, it feels like paradise. And I'll do anything you want me to when we're in paradise. I'll see you on the other side where it's alright. If tonight is the last night, I'll see you in paradise. Ça te gêne pas, Jeff, de parler pour le générique? Non. Ah, de parler sur les jingles, ça te gêne pas non plus. Je suis désolé. Bon, bonjour à vous, il est 6h sur Fun Radio, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juin, j'espère que ça va bien ce matin. J'ai une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont envoyé des messages hier sur Facebook pour me demander est-ce que t'as eu ton train? Eh ben oui, ça y est, je suis enfin en studio ici à Bruxelles. J'ai eu mon train, je vous raconterai quand même l'aventure, l'épopée pour venir jusqu'à ici. C'était juste du Port-Nawak. Bon, nous sommes jeudi aujourd'hui, tout va bien, on a plein de cadeaux à vous offrir, notamment des overboards de chez Urban Wheels, c'est ce qu'il y aura encore à gagner ce matin entre 6h et 9h. C'est Evan, c'est la tribu. Il est 6h01. Bonjour. Fun. Fun Radio. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Bon réveil tout le monde sur Fun Radio, il est 6h01 dans quelques instants, ce sera le son d'Imani, pardon, mais d'abord c'est les infos et c'est avec Jean-François, salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous, le nettoyage se poursuit pour les personnes touchées par les orages depuis le début de la semaine, ce sont principalement les habitants du Tournaisy, du Brabant Wallon qui ont entamé les opérations pour retrouver des conditions de vie plus décentes, il s'agit aussi pour elles de lister les dégâts, de prendre les photos et entamer les démarches avec les assurances, cela va prendre du temps vu le nombre de dossiers qui vont devoir être traités pour les personnes qui ont souscrit une assurance qui couvre les catastrophes naturelles ou les dégâts des eaux. Les personnes sinistrées ont déjà été invitées à tenir les objets abîmés en attendant les premières expertises des assurances. Les policiers seront en grève aujourd'hui dès midi à l'aéroport de Charleroi. Pour les syndicats, les effectifs policiers de l'aéroport de Gosselies sont déficitaires de 25 à 30% selon les catégories de personnel. Le nombre de contrôles ne cesse d'augmenter, tout comme le nombre de passagers. Les engagements pris par le ministre de l'Intérieur ne sont pas respectés et le personnel est tout simplement à bout. Les syndicats réclament une rencontre immédiate avec le ministre, le renforcement immédiat du personnel policier pour assurer la sécurité de l'aéroport et la formation du personnel pour effectuer les contrôles. Ils veulent également le respect du statut du personnel, des solutions pour améliorer l'infrastructure et du matériel manquant, rien que ça. La hantise d'attentats et la poursuite de la contestation sociale entre grève des transports et poubelles débordantes sur les trottoirs pèsent sur l'ambiance en France. J-1 du coup d'envoi de l'Euro 2016 de football. Près de 8 millions de supporters, dont 2 millions d'étrangers, sont attendus dans le pays durant la compétition, dont le match France-Roumanie marquera demain soir le lancement officiel. Après les carnages djihadistes de janvier et de novembre 2015 à Paris, forces de sécurité et services de renseignement ont mobilisé tous leurs moyens pour prévenir une nouvelle attaque dans les stades, les fan zones ou les autres lieux publics. Quelques 90 000 policiers, gendarmes et agents de sécurité privés sont mobilisés pour sécuriser les stades et les fan zones. Le gouvernement a par ailleurs lancé hier une application Alerte Attentat pour informer les gens d'une quelconque menace. Elle permet à chacun d'être alerté sur son smartphone en cas de suspicion d'attentat ou d'événement exceptionnellement grave. Ce soir à Paris, un concert géant gratuit de David Guetta au pied de la Tour Eiffel fera office de premier test pour la plus grande fan zone de l'Euro 2016. À la veille du démarrage de la compétition, la contestation sociale qui perdure s'ajoute aux préoccupations des autorités et des organisateurs. Plusieurs secteurs sont encore en grève et les autorités craignent évidemment des répercussions directes sur l'événement. En sport, en basket, Ostende est devenu champion de Belgique pour la 17e fois de son histoire et pour la 5e fois de suite grâce à sa victoire hier face à Alost 69-74 lors de la 4e manche de la finale des playoffs. Ostende menait 2-1 dans cette finale au meilleur des 5 manches. Les côtiers de Dario Djerja n'ont pas attendu une 5e manche pour sabrer le champagne. Déjà vainqueur cette année de sa 17e Coupe de Belgique, Ostende compte 17 titres de champion à son palmarès. Les côtiers réussissent un 4e doublé Coupe Championnat de suite, ce qui est déjà une belle performance. Bravo, bravo les doudous, bravo. Fun. Fun Radio. Maintenant dans les stations Q8 avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Q8. On va terminer ce flash avec la météo, Jean-François. La bonne nouvelle, Evan, c'est que tu nous es revenu avec le soleil, oui. Puisque après la dissipation de la grisaille matinale, eh bien, le soleil va briller aujourd'hui avec des maxima de 16 degrés quand même en bord de mer, de 18 à 21 degrés dans les autres régions. Et puis demain, la journée débutera aussi sous le soleil avant un retour des nuages, mais globalement, il devrait faire sec avant un week-end où le temps s'annonce un peu plus indécis. On se retrouve à 6h30 pour les prochaines infos. Bon début de journée avec Evan et la tribu. Tout de suite, le son dance floor sur Fun Radio avec Imani. Fun Radio. Fun. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. A breath, rest your head, close your eyes, you are right, just lay down to my side, do you feel my heat on your skin, take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. got so much brighter. And my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Nous sommes jeudi aujourd'hui, il est 6h08, c'est Evan avec toute la tribu. Ça y est, enfin de retour à Bruxelles dans le studio pour vous dire bonjour. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, une bande de déconneurs. Pas trop fort, pas trop fort. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait trop du bien. Avant quoi? Avant le boulot. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. Ça fait trop du bien. Je salue l'équipe qui est là au taquet, au complet. Justine, bonjour. Hey. Hey, à toi aussi. Hein. Pas de beau aujourd'hui. Hein, pas de beau. Oui, ça sera que ça toute la journée. Comme ça fait 48 heures que je lui demande de ne plus dire alors, donc maintenant elle fait hey, hey. Qu'est-ce qu'on a à offrir aujourd'hui, Justine? Hey, hey. Et c'est quoi l'horoscope du jour? Hey. Spécial et dans l'émission. Sors qu'elle est du jour, bon, et là, bonjour, mon doudou. Et hey, à toi et à tout le monde. Hein. Jean-François est là, l'info, la météo, l'info trafic. Bonjour, mon Jeff. Bonjour, Evan. Et bonjour à Sandro. Bonjour. T'es beau, dis donc, j'avais pas vu à quel point t'étais beau depuis que t'es revenu en vacances. Beau? Oui. Tu es sûr de ça? Non. Ah, voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai, t'as un visage différent. Je pense que c'est la barbe. Ouais, c'est je, ça. Je laisse un peu pousser, du coup ça me fait un peu plus vieux, ça me fait un peu plus con aussi. Mais voilà. Non mais en fait, oh. Sandro laisse pousser la barbe du bas. C'est ça. Il n'y a pas de poils sur le reste du visage. Ça pousse nulle part en fait. Ouais, c'est assez spécial. En fait, les poils ils poussent chacun à leur tour. Ouais, à toi, à moi. C'est ça. À toi. Puis il y en a qui disent passe. Bon, je vais manquer quand même de l'équipe parce que Justine ce matin a eu un accident grave de doigt. Est-ce que oui. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Bah, je me suis coincé le doigt, l'index dans... C'est l'index, hein, ça, le deuxième. Oui, oui. Ah oui. Je me suis coincé l'index dans mon casier, ici à la radio, et il y a une boule ronde qui me pousse. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça fait super mal. Je sais que ça a l'air de rien, mais ça fait super mal. T'as juste une petite boule sur le dos. T'es sûr que c'est un casier ou tu l'as coincé? Quand je le tends, ça me fait mal. Oh. Alors tu sais que normalement. Moi j'ai ça aussi, hein, excuse-moi, mais quand je le tends, ça fait mal. Il y a une boule dessous aussi, apparemment. Non, dessous. Justine, tu sais que normalement, ouais, quand les enfants ont mal, je me considère un petit peu comme une enfant, normalement il faut faire le bisou magique dessus. Donc, Ouais, mais à qui? Parce que lui, il fera maintenant, il pue de la gueule. Jean-François, il pue de la gueule tout court. Je ne sais pas qui sent bon de la bouche dans cette émission. Bon, les amours, en tout cas, ravi de vous retrouver. J'ai réussi enfin arrivé jusqu'à Bruxelles hier, j'ai mis plus de 8 heures pour remonter entre le centre de la France où j'étais jusqu'à ici. C'était juste Portnaouais, que je vous raconterai ça dans un instant. Justine va dès maintenant vous dire ce qu'il y aura à gagner tout à l'heure à partir de 7h15. Vous savez que toute cette semaine, ce sont des overboards qu'on vous offre, mais alors là, ce n'est pas n'importe quel hoverboard puisqu'on a encore monté le level, j'ai envie de dire. Ouais, donc toujours un hoverboard de chez Urban Wheels, mais cette fois-ci on vous offre un hoverboard Iron Man, donc un spécial édition qui cette fois-ci vaut, attention, 700 euros. Ben, sans déconner, tous les jours ça monte. J'ai l'impression que demain on va offrir un hoverboard qui coûte 1000 boules. Donc 700 euros l'hoverboard à gagner tout à l'heure à partir de 7h15. Et il y aura la question de Justine, il suffira d'y répondre et d'être sélectionné, d'être rappelé et d'y répondre correctement pour repartir avec votre hoverboard. Pour la suite du son Dance Floor, Riyab arrive sur Fun Radio. Je vous ai calé aussi, Raïs Treffy. Jérémy va arriver dans un instant. Est-ce qu'on fête des prénoms aujourd'hui, Justine? On fête tout simplement les Féliciens. Eh bien, bonne fête. Félicien, putain, ça me rappelle un truc. Oui. Félicien, c'était Félicie pas. Aussi, un... Non. Oh putain, t'es encore plus vieux que moi, toi. Oh, je sais. Félicien, c'était pas un mec qui était dans une télé-réalité et qui chantait la Koum Koum Mania. Oui. C'était le Love Story 2. Ouais, Love Story. En quelle année ça? Justine n'était pas né. Ouais, non, je crois pas. Attends, le Loft 1, c'était 2001. Loft 2, c'était 2002. Avec une demi-heure, bonne réponse, Evan. Bon, en tout cas, voilà, donc Félicien, bonne fête à vous. Et la Koum Koum Mania, je sais pas ce qu'il devient d'ailleurs, le Félicien de Love Story. Je me souviens qu'avec ce tube Koum Koum Mania, il avait jamais, il s'était gavé de pognon en 2002. On va essayer de le retrouver, tiens, dans un instant, voir si sur YouTube il existe encore. 6h13 sur Fun Radio. L'horoscope va arriver à 6h20, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. Dans l'immédiat, on se fait le son de Jeremy, Don't Tell Him sur Fun Radio. Bonjour. Tell him. No, you say you're down with it. Won't tell him how you hit the ground with it. Girl, you know I'm from Chicago. I act a fool, Bobby Brown with it. In it, nobody take me out though. You got gifts, bring them down to South Pole. Marathon, girl, I'm putting miles. Don't you worry about it, I gon' work it out. Only if you got me feeling like this. Oh, why? Love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right. Dolez sur Fun Radio. Dans un instant, ce sera l'horoscope, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. Chaque jour, on le fait aux alentours de 6h20. Et puis vos petits messages également qui vont débarquer par SMS au 3044 sur le Facebook de l'émission et sur le Snapchat. Evan et la tribu Petit Café. Ce matin, tranquille pour vous accompagner et vous sortir du lit. Il y aura le son de Riab dans un instant sur Fun Radio. Et je vais vous parler de l'épopée pour venir jusqu'à ici. Oh, quelle merde hier. 8h pour réussir à rentrer à Bruxelles. Parce que autant on se plaint des grèves en Belgique, je peux dire en France, c'est juste du porte-nawak contre les grèves, les inondations et le reste. À tout de suite. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Je suis allée manger chez des potes ce week-end et je peux te dire que leur toilette, c'est genre les toilettes de mes rêves, quoi. En gros, quand t'arrives dans la toilette, t'as une boule à facettes qui se met à tourner, t'as de la musique à fond. Je te jure, je suis allée 4 fois aux toilettes. Juste pour danser toute seule. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Grâce au Last Minute Appel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'espagnol. 2 cocktails. 2 cocktails. Et pour moi, le homard. Et para mí la langosta. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. Everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. We can all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on against the lead. Cause we can any time of day, it's all good for me. Sur Fun Radio, on parlait des prénoms qu'on fêtait aujourd'hui. Justine nous expliquait qu'on fêtait les Féliciens aujourd'hui. Et nous avons parlé des Féliciens en disant bah tiens, Félicien, c'était un mec qui avait fait Love Story 2. C'était les premières téléréalités, hein. Certains qui n'étaient pas nés qui nous écoutent. Alors, on a retrouvé le morceau de Félicien qui s'appelait Koum Koum Mania. Sandro, on va voir si ça fonctionne. Attention, extrait Koum Koum Mania de Félicien. C'était ça, écoutez. Chanté, chanté, chanté la chantez le koum koum. T'avais quel âge en 2002, toi? 6, 7, 8. 8 ans. 8 ans quand le morceau est sorti de Félicien Kumkumania. Et c'est la même époque où on avait un autre, comment dire, un autre académicien qui faisait également des chansons. Je vous souviens de Jean Pascal ou pas? Ah bah oui, bah oui. Jean Pascal qui avait chanté L'Agitateur. J'essaye de le lire, mais évidemment, YouTube me met de la pub à mort là sur je sais pas quoi, sur Mark Spencer, il m'emmerde. Oui, c'est vrai, c'est pas demandé. Il y a maintenant des pubs, on peut même plus les zapper, dis donc. Je sais pas comment ça se fait. Tu sais, normalement, on peut ignorer l'annonce après 4 secondes, et là, non, on peut pas. L'agitateur, c'était ça. Tiens, tu peux mettre l'ordinateur, s'il te plaît, Doudou. Écoutez. Vous vous souvenez pas de ce morceau? Si, ah si, bah, bien si. Sûr. C'est pas si c'est très académique. Je ne vis bien qu'à travers la polémique. Les mecs, ils ont vécu 10 ans avec ça. Hein. Ouais, rouleur Audi TT, tout grâce à ça. Putain. Bravo. Je n'ai pas la langue dans la poche. Avec quel âge? Je sais pas, mais j'adorais. Il sortait avec Jennifer. 2001. Ouais. 2001, bah t'avais 7 ans. Voilà. Refrain. Je suis un agitateur, provocateur, un animal. My name is Jean-Pascal. Mais tout le monde connaît. Comme quoi on aime vraiment chanter de la merde, hein. C'est tout incroyable. Connaît, quoi. Les souvenirs, voilà. Quels sont les souvenirs des gens qui ont fait les télé-réalités? Dites-le nous, SMS 3044. Era Istrefi va arriver dans un instant. Ah, ça change tout de suite. Hein. Ah oui. Allez. Allez-vous, c'est parti pour l'horoscope du jour avec les béliers. Une petite aventure d'un soir pourrait prendre de grandes ampleurs. Taureau. Le beau temps vous donnera de l'énergie jusqu'à la semaine prochaine. Retour. Ah non, d'accord. Non, non, c'est bon. J'allais lire la suite de ton horoscope. Les gémeaux. Et c'est avec votre conjoint que vous trouverez le bonheur. Il aura les mots pour vous calmer. Cancer. Vous aurez l'impression de ne pas assez profiter de la vie, les cancers. Lion. Vous êtes très attaché à votre partenaire, mais vous aurez envie de prendre une décision cruciale. Vierge. Le moral ne sera pas au rendez-vous ce jeudi, vous aurez envie de rester seul. Balance. Soyez moins exigeant en amour, ça vous facilitera la vie. Les scorpions. L'envie de renouer des liens du passé vous sera omniprésente. Le sagittaire. Le quotidien vous ennuie, vous passerez la journée à rêver d'aventures complètement folles. Capricorne. Les rapports avec votre partenaire risquent d'être de plus en plus compliqués. Verseau. Soyez soudés dans votre couple, votre conjoint en a besoin. Les poissons. Retour à la case départ sur le plan sentimental, vous aurez besoin de réconfort. Bonne journée, bon réveil, c'est Fun Radio. C'est Evan et la tribu, on est ensemble jusqu'à 9h. L'Héroscope. Partez vous éclater à deux avec transport et hébergement en Hongrie au Balaton Sound grâce à Fun Radio. Fun Radio. Sur scène, Dimitri Vegas, Like Mike, Robin Schulz, Oliver Heldens, Martin Garrix et plein d'autres. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio. Partagez le post du Balaton Sound et laissez un commentaire avec le nom de la personne Facebook qui ira faire la teuf avec vous en Hongrie en VIP. Le Balaton Sound, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Avec Destination Clubbing, le partenaire transport officiel du Balaton Sound. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes oui. dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mm. Et alors l'après-midi, ça, on est fou, on part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Fun Radio. Fun Radio. And the leaves turn brown. I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. And the wolves run wild. I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out. Living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle. Beat of my heart. si Evan a les cheveux mouillés le matin, ce n'est pas parce qu'il prend une douche. Ah non, non, non. C'est le seul animateur qui dit au revoir à son poisson rouge avant d'aller à la radio. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. Sur Fun Radio, il est 6h30. Dans un instant, il y aura le son de Galantis. Et puis on va lire tous vos messages comme chaque matin par SMS au 3044 sur le Facebook de l'émission et sur le Snapchat Evan et la tribu. Notamment, j'ai envie de savoir quel temps il fait chez vous, quelle température vous avez. J'ai pas pensé à regarder la température dans ma voiture ce matin. Donc je sais pas, il faisait doux, ça c'est sûr. Mais alors quelle température il fait? Dites-le nous, vous donnez un prénom, une ville, la température qu'il fait chez vous et la météo. On en reparle juste après les infos de Jean-François. Et derrière moi, vous entendez le son de Galantis qui va débarquer avant 7h également. Je vais vous passer le kiff du moment, le morceau de Rochelle. Bienvenue tout le monde sur Fun Radio, il est 6h31, les infos, la météo de ce jeudi, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Selon les premières analyses de la boîte noire contenant les données du drame ferroviaire de Saint-Georges de dimanche soir, le conducteur du train des passagers aurait freiné trop tardivement. Il aurait bien vu le double feu jaune et activé le signal pour assurer qu'il l'avait vu, mais sans actionner le freinage. Roulant à 110 km/h, il n'aurait freiné qu'en voyant devant lui le train de marchandises, réduisant alors sa vitesse à 90 km/h. À cette vitesse, la collision était inévitable. Le conducteur, en activant le signal, aurait en outre désactivé les systèmes de frein automatique. Une cellule d'experts a été mise en place, mais les investigations vont sans doute durer plusieurs mois. Le nettoyage se poursuit pour les personnes touchées par les orages. Depuis le début de la semaine, ce sont principalement les habitants du Tournaisis, du Brabant Wallon qui ont entamé les opérations pour retrouver des conditions de vie plus décentes. Il s'agit pour elles de lister les dégâts, de prendre les photos et entamer les démarches avec les assurances. Cela va prendre du temps, vu le nombre de dossiers qui vont devoir être traités. Pour les personnes qui ont souscrit une assurance qui couvre les catastrophes naturelles ou les dégâts des eaux, les personnes sinistrées ont déjà été invitées à tenir les objets abîmés en attendant les premières expertises des assurances. Pour le Premier ministre Charles Michel, les négociations avec les syndicats au sujet des prisons sont terminées. Plus tôt dans la journée, la CSC, la CGSP lui avait adressé hier une contre-proposition au protocole d'accord du ministre de la Justice Koen Gaens. Mais pour Charles Michel, la messe est dite. Le protocole d'accord du ministre de la Justice prévoit 480 gardiens supplémentaires, la rénovation de prisons et même, via le master plan, la construction de nouvelles prisons. Deux tiers des syndicats ont approuvé la proposition et le ministre Gaens et donc le gouvernement reste disposé à accueillir la CGSP et la CSC pour signer le protocole d'accord. Dans le reste de l'actualité, deux hommes ont ouvert le feu hier soir dans un quartier animé de Tel Aviv. Trois personnes ont perdu la vie, plusieurs autres ont été blessées. Au moins l'une d'entre elles se trouve dans un état critique. La police a d'abord indiqué qu'il n'y avait qu'un tireur, avant qu'un porte-parole des forces de l'ordre annonce qu'ils étaient en fait au moins deux à perpétrer ce qui semble être une attaque terroriste. La police a fait feu sur ces deux individus, l'un a été blessé et emmené à l'hôpital avec ses victimes. La fusillade s'est produite dans le quartier festif de Sarona, au cœur de la ville et à proximité du QG de l'armée israélienne. On conclut par une info qui ne va certainement pas vous laisser sans réaction. La star du football portugais Cristiano Ronaldo est désormais le sportif le mieux payé de la planète avec 88 millions de dollars, soit un peu plus de 77 millions d'euros de revenus sur l'année écoulée. L'attaquant du Real Madrid a amassé 32 millions de dollars sur les 12 derniers mois grâce à ses contrats de partenariat et autres publicités. Ronaldo devance son grand rival l'argentin Lionel Messi, mais aussi le basketteur de NBA LeBron James ou encore Roger Federer. L'actuel roi du tennis masculin Novak Djokovic, vainqueur dimanche de Roland Garros, fait son entrée dans le top 10. Et puis pour en revenir à Cristiano Ronaldo, ça fait quand même un peu plus de 211 000 euros par jour, soit 8 812 euros par heure, soit 147 euros la minute. Ça va, Dieu. Ça va. Je sais pas, qu'est-ce qu'il en fait de son pognon au bout d'un moment ? C'est-à-dire qu'il en a tellement, il sait même plus comment le claquer. Bah, il achète des nanas, à mon avis, quand on voit les photos. Mais il en a pas besoin. Parce qu'en plus, le mec est beau, le mec est bien foutu, il a pas besoin de payer des filles. Quoi, il est pas beau, Lucille ? Attends, on va te donner la moi, parole. Moi, j'aime pas trop. T'aimes pas, t'es... Elle préfère Messi, la tronche de poney. Non, là, moi je préfère Ribéry, c'est tout. Voilà. Oh. Elle veut sortir avec Ribéry parce que comme ça, elle est sûre de ne pas se le faire piquer. C'est ça. Mais elle ne le voit que du côté pile. Hein. Côté face, t'oublies. Bon, ben voilà, Ronaldo, avec autant de pognon, putain, ça fait rêver quand même. Hein. Météo, Jean-François. Le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées. La dissipation de la grisaille matinale va prendre toutefois un petit peu de temps. Les maxima températures s'échelonneront de 16 degrés en bord de mer à 18 et 21 degrés dans les autres régions. Et puis demain, la journée débutera sous le soleil avant un petit retour des nuages. Mais il devrait rester, le temps devrait rester relativement sec. On se retrouve à 7h pour les prochaines infos. Tout de suite, le son Dance Floor sur Fun avec Galantis. Du son Dance Floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Sorry, I ain't gonna run away. Il est 6h38 sur Fun Radio, à tes souhaits, sur Khalid du Jambon. Nous sommes jeudi aujourd'hui. C'est Evan, c'est la tribu. Dans un instant, il y aura le son de Rochelle qui va débarquer. On jouera aux 5 secondes chrono. Ce sera juste avant 7h. Pour gagner votre boîte de jeu, 5 secondes chrono avec Mega Bleu, il suffit de vous inscrire dès maintenant en envoyant le chiffre 5 par SMS au 6322. Qu'est-ce que je voulais-t-il vous dire? Il y a Antoine qui, à 6h19 ce matin, me dit: Evan, tu as sorti ce matin une expression qui s'appelle, que tu as dit, porte nawak, et il faut que tu saches qu'elle a été interdite en 1975. Je ne savais pas, remarque, je ne me suis même pas aperçu que je l'avais sorti tout à l'heure. Antoine, je te souhaite un bon réveil avec nous. On a écouté aussi les sons des anciennes stars de télé-réalité, que ce soit Jean Pascal ou encore Félicien avec la Koum Koum Mania. Ah, par exemple, ça c'est Jean Pascal. Et je disais, bah, ils ont eu de la chance, certains, parce qu'ils ont vécu 10-15 ans en sortant des morceaux. Et quelqu'un qui me dit, c'est pas signé, Evan, ça réussit pas à tout le monde. Regarde Loana, mort de rire. Bah, elle a gagné pas mal d'argent, c'est après qu'elle est tombée. C'est-à-dire qu'elle a eu un gros succès, et puis après, le succès a baissé. Je pense que c'est là que Loana, elle est tombée bien bas, parce que bah, psychologiquement, plus de succès, etc. Ça fait bobo. Merci à Jean Pascal pour l'agitateur. Un mot sur l'infotrafic du jour, Khalid. Et oui, ça bouchonne déjà sitôt, c'est monstrueux, c'est horrible. Et on nous dit... c'est... Putain, j'oublie. T'arrives plus à lire, hein, ça y est. Salut Evan, il y a fallait aller à l'école. Écoute, salut Evan, il y a une voiture sur le toit, sur la E419, direction Tournai, entre Tournai et Frasnes. Voilà, redis-le complètement parce que je pense que je t'ai marché dessus. Salut Evan, il y a une voiture sur le toit, sur la E419, direction Tournai, entre Tournai et Frasnes. Là, il y a des gens qui avaient tiré la chasse en même temps que tu l'as dit, donc il faudrait que tu répètes à nouveau. Salut Evan, il y a une voiture sur le toit, sur la E419, direction Tournai, entre Tournai et Frasnes. Jean-François, t'as bien compris ce qu'il a dit? Je suis pas certain. Salut Evan, il y a une voiture sur le toit, sur la E419, direction Tournai, entre Tournai et Frasnes. Il regarde son calme, j'adore. Et l'Arthur mange ce soir? Salut Evan, il y a une voiture. Parlons d'autre chose, tu vois. Allez, Justine, on va lire les messages qui sont arrivés sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu. Alors Gaëtan nous dit bonne journée à toute la tribu et aux autres. Courage, c'est jeudi déjà. Laura nous dit hello les rondelles, vous êtes trop kiffants, votre émission elle est juste énorme, continuez comme ça. Et puis Marine, j'ai 16 ans, je vous écoute tous les matins, vous êtes super, je commence mes examens aujourd'hui, moi, merci de me mettre de bonne humeur le matin, vous me faites rire. Merci Marine, je te fais des gros bisous, bon courage à toutes celles, tous ceux qui passent des examens, on sait qu'il y en a beaucoup en ce moment. Je vous avais demandé de vous faire un petit point sur les températures qu'il y a chez vous et la météo, et c'est Khalid qui vous lit. Il fait plus frais qu'hier, malheureusement à la même heure, 12 degrés sur Bruxelles, c'est signé Arnaud. Patou nous annonce 10 degrés à Durbuy, 13 degrés dans les environs d'Ognoul. Merci à toi Mélodie. Alors Paola nous signale 12 degrés au-dessus de Charleroi. Justine. On a reçu un message de l'auditeur qui avait envoyé l'infotrafic que Khalid a répété plusieurs fois. En fait, il s'est trompé. C'était pas la E419, c'était la E429. On a bien fait de le répéter. Est-ce que tu peux relire le message et l'actualiser, Khalid? Mais il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Salut Evan, il y a une voiture sur le toit, sur le E429, direction Tournai, entre Tournai et Frasnes. Bon. Voilà, si vous n'avez pas compris, c'est vraiment qu'il y a un problème ce matin, mais en même temps, l'auditeur s'était trompé. D'autoroute, on passe à la phrase Facebook du jour, Khalid. La phrase Facebook. Sur la E19, non, je rigole. Alors, la phrase est la suivante. Ne pas avoir de bébé. Embaucher une babysitter en lui disant que le bébé dort à l'étage. Revenir et lui demander où il est passé. C'est horrible. Ça me rappelle quand j'ai gardé des enfants, ça. Ah bon? Oui. C'était les tiens? Non, je savais pas qui ils étaient. C'était par hasard. Ils sont arrivés comme ça. Vous faites quoi? Bon, moi, je vais vous garder. Bon, du coup, on a été manger des trucs. 6h42, dans un instant. Nous jouerons ensemble 5 secondes chrono sur Fun Radio pour essayer de remporter votre boîte de jeu 5 secondes chrono. Vous envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322. Un de mes kiffs du moment. Voici Rochelle sur Fun. Love me like no one else get ya higher, no one else get ya higher. You and I, we're so hot that we fire, we're so hot that we fire. Got you in my bones, I want you but no one knows, I want you but no one. Trust me, boy. 6h45 sur Fun Radio, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juin. Dans un instant, Martin Garrix pour le son Dance Floor. Avant 7h, on jouera aux 5 secondes chrono. Et j'ai enfin réussi à revenir ici à Bruxelles. Les auditeurs ont été nombreux. Je pense à Lucas, avec qui j'ai échangé hier sur Facebook. Tout jeune auditeur qui me disait: alors ça y est, est-ce que t'as réussi à revenir sur Bruxelles? La réponse est oui, j'ai été coincé là en France pendant plusieurs jours. Mais à cause de plein de trucs. Tu sais, Khalid, il y a eu les grèves, ça oui. C'est une chose. Mais là où j'étais, moi j'étais dans le centre de la France, donc c'est à peu près, pour vous situer, à 300, allez, quasi 400 km au sud de Paris. Et c'est un coin qui est un peu paumé à la base. Et donc, non seulement il n'y avait pas de train, il y a eu des inondations la semaine dernière en France. C'est là où les autoroutes ont été coupées. Il y a une autoroute où il y avait 1m10, 1m20 d'eau. Donc impossible de revenir en voiture. Mais même si tu avais une voiture, ce qui est mon cas, avec les grèves des raffineries, il n'y avait plus de SP95 et SP98. Donc tu ne pouvais rouler qu'avec des voitures au gazole. Donc pour aller chercher une gare, c'était super compliqué. Donc hier, j'ai fait 2 heures de route avec une voiture dans laquelle j'étais pas sûr d'avoir de l'essence pour aller chercher mon train. Le premier train, c'est un TGV, je l'ai eu. Il a eu quoi, 8 minutes de retard. Donc tu te dis, bon, ça va, aucun problème. Et arrivé à Paris, je devais donc chercher mon Thalys. Et là, je me dis que quand la loose commence à s'abattre sur toi, eh ben vraiment, c'est assez énorme. Puisque je sors de la gare Montparnasse, pour ceux qui connaissent à Paris. Je rentre dans le métro ligne 4 pour aller jusqu'à Gare du Nord chercher mon Thalys. Et à ce moment-là, dès que j'arrive sur le quai, alerte à la bombe, des masses de gens qui se mettent à courir dans l'autre sens. Mais enfin, le métro coupé. Et alors, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, qu'est-ce qui s'est passé, mon doudou? Eh ben, j'ai raté mon Thalys. Mais enfin, le 14h21. Là, je vais essayer d'échanger mes billets. La dame me dit: est-ce que vous avez une attestation de retard de la RATP? Je lui ai dit non, non. Par contre, j'ai en correspondance, etc. J'ai pu prendre le 15h20 et je suis arrivé avec du retard à 18h. Donc j'ai mis plus de 8h pour rentrer hier. Ah, c'est ça le collier d'immunité que t'as autour du cou là. C'est ça. Tain, c'est quoi, j'ai croisé Denis Brognard. Et le problème en plus, c'est qu'il y a grève des éboueurs, donc t'aurais même pas pu te planquer dans les poubelles et essayer de te faire ramener ici. Mais vous savez qu'en France, nous on se plaint de la grève ici, mais en France c'est n'importe quoi parce qu'il y a eu le cumul des grèves, des inondations, tout ça, ça crée une merde et je me plains pas s'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se déplacer, qui sont coincés, qui n'arrivent pas à bosser tout simplement. Donc, on dirait le film San Andreas, c'est quand il y a une fissure dans le sol. Là, c'est n'importe. Il manquait plus Godzilla, c'était bon. Ah, hein. Voilà. Donc je suis là et ça fait du bien de vous retrouver les doudous après quasiment une semaine de retour avec le 5 secondes chrono. Dans un instant, on va jouer ensemble et puis le son Dance Floor de Martin Garrix est calé également. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. On a entendu ton très joli timbre de voix. Ah, super, mais mon timbre de voix est magnifique. Vas-y, fais-moi une petite chanson pour le kiff, là, pour débuter l'émission, Laura. Spider Cochon.

shot that we fire at the sky, but this time we are together. Right here in this moment where we belong. We come one tonight. I've been waiting for your wake up call. Growing stronger now. I can hear it in the thunderstorm. We sing, oh, I don't wanna do this without you. Oh, I won't let go now that I found you. Now that I found you. Instant Fifth Harmony sur Fun Radio. Dans 10 minutes, ce sera le petit déj gratos. On sera dans quel coin ce matin, ma juju? À Kuckelberg ce matin. Direction Kuckelberg pour le petit déj gratos. Ce sera dans moins de 10 minutes. Nous allons jouer maintenant avec le 5 secondes chrono. D'abord, les filles de Fifth Harmony sont calées. Elles sont là, elles sont derrière. Oui. Salut les filles. Je suis amoureux. La brune. La première là, qui a son pantalon taille basse. Oh, oh, oh. Let's go. 5 secondes chrono. Affrontez Evan et sa tribu. Pour jouer avec nous ce matin, alors on a Baïja ou Nadi, je sais pas quel est le prénom entre les deux. Allô ? Allô ? Bonjour, c'est quoi ton prénom? Salut. En fait ? C'est Baïja ou c'est Nadi ? Baïja Nadi. D'accord, c'est les, c'est les deux. C'est ça, c'est cumulé, on est d'accord. C'est comme Jean-François. Elle cumule les deux. Et c'est de quelle origine Baïja Nadi ? Marocaine. D'accord, c'est très beau comme prénom en tout cas. Tu as 13 ans, tu habites dans quel coin ? T'as oublié? T'as oublié? C'est pas où elle est. Elle est kidnappée en fait. Ben, Jeanne a dit, t'es où tu m'as dit, ma chérie? Kuckelberg. Ah, et tu sais. Ah, ben non! Ben oui, ben c'est ça, je me suis trompée. Le petit déj gratos, c'est pas à Kuckelberg, c'était elle à Kuckelberg. Oh, c'est pas grave. C'est pas très très loin, le petit déj gratos, c'est à Olivier Saint-Pierre. Bon. C'est de l'autre côté de la ville. C'est ça. Ben, Jeanne a dit. Yolande sort de ce corps. Tu l'entends? On est en forme ce matin, Baïja Nadi. Ouais, ouais. Dis-moi, Choupette, tu fais le ramadan toi ou pas? Bah oui. Bah, bah oui, excuse-moi, mais moi j'ai des amis musulmans qui font pas tous le ramadan. Voilà, j'en ai avec qui je bouffe. Bah tant mieux pour eux ou tant pis pour eux, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai dit à Khalid, parce qu'on est invité pour un barbecue chez une auditrice, et Khalid me dit: ah ouais, mais je peux pas venir avec vous parce que je fais le ramadan. Et je dis: bah écoute, tu t'en fous, t'avances l'heure de 2 heures, comme ça, avec ta montre, comme ça tu pourras faire le truc. Khalid, juste pour te dire un truc, tu fais pas ramadan et tu le rattrapes par la suite. Ah, c'est pas con ça, j'avais pas pensé à ça. Tu vois, ah, et bim dans ta face. Ah bah merci beaucoup, c'est très gentil. Mais moi non, je dois avoir un certificat du médecin, c'est ça le problème. Et bah écoute, aujourd'hui je suis médecin. Déshabille-toi. Baïja Nadi, on va jouer ensemble aux 5 secondes chrono. Tu veux jouer contre qui ce matin? Contre toi, Ivan. Oh oui, tu vas me mettre la pâtée. Baïja Nadi, attention, à 6h58. Tu es donc... Attends, je fais le calcul. Il te reste 21h54 moins 6h58. Je retiens deux avant de manger. C'est parti, voici tes cartes. Baïja Nadi, en moins de 5 secondes chrono, cite 3 manières de devenir millionnaire. Top. Jouer au loto. Foot. Vendre sa femme et travailler. Ah, elle est géniale. Ah, oh, je te kiffe. Attends, mais... Attends, t'as dit vendre ta femme, c'est mais ça? Mais oui, elle a dit ça. Vendre sa femme et travailler. Non, pièce détachée, c'est ça. Mais Baïjan a dit comment à 13 ans tu peux dire qu'on peut devenir millionnaire en vendant sa femme? C'est énorme. En regardant l'esprit criminel. Elle est géniale. Elle déchire. Putain, tu déchires tout, Baïjan a dit, franchement. Tu peux pas venir remplacer Khalid Ouais, au moins. Comme ça, ce jour-là, je peux ne pas jeûner. Ouais, on fera des émissions drôles. Oh. Allez, Jeanne Nadine. Voici ma carte des 5 secondes chrono. Evan, en moins de 5 secondes chrono, cite 3 objets recyclables. Top. Une canette, une bouteille de Vittel et du carton qui emballe une pizza. Non, bah non. Mais c'est sur le gong quand même. Quoi? Bah non, bah j'ai dit. Non, ça compte pas. Tu peux me remplacer quand tu veux, la même mauvaise foi. C'est une victoire. Moi, tu l'as dit à moitié. Hein. Non, t'inquiète pas. Tu sais, là-dessus, moi, je privilégie toujours les auditeurs. Je l'ai dit, c'est vrai, au moment où le gong avait démarré juste après. Ça veut dire que c'est une victoire de bye, Jeannette. Bravo. Bravo. Et tu recevras ta boîte de jeu 5 secondes chrono directement chez toi, ma doudou. Je te fais des gros bisous d'amour. Bon courage pour la journée, bon courage pour le ramadan, bon courage merci pour plein de choses. Et tu reviens quand tu veux. Raccroche pas, je te repasse Billy Boy au standard, d'accord? Au revoir, l'équipe. Bisous, bye, Janani. Bisous, ma chérie. Elle est géniale, hein, franchement. Spontanéité, tout, c'est tout ce que je kiffe. Si vous voulez jouer avec nous aux 5 secondes chrono dès demain, écoutez comment ça se passe. Pour jouer vous aussi aux 5 secondes chrono avec Méga Bleu, envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322. À suivre le son des Fifth Harmony sur Fun Radio, le son d'Ensport qui vous sort du lit, qui vous réveille où vous soyez partout en Belgique. Merci de commencer la journée avec nous. C'est jeudi aujourd'hui, on est le 9 juin et il est 7h. Salut Raymond. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Bienvenue tout le monde sur Fun Radio, il est 7h, dans moins de 10 minutes on vous donnera l'adresse du petit déj gratos. On est à Woluwe et Saint-Pierre ce matin, mais d'abord les infos, la météo, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Les policiers sont en grève aujourd'hui dès midi à l'aéroport de Charleroi pour les syndicats. Les effectifs policiers de l'aéroport de Gosselies sont déficitaires de 25 à 30% selon les catégories de personnel. Le nombre de contrôles ne cesse d'augmenter, tout comme le nombre de passagers. Les engagements pris par le ministre de l'Intérieur ne sont pas respectés et le personnel est à bout. Les syndicats réclament une rencontre immédiate avec le ministre, le renforcement immédiat du personnel policier pour assurer la sécurité de l'aéroport, mais également la formation du personnel pour effectuer les contrôles. Ils veulent aussi le respect du statut du personnel, des solutions pour améliorer l'infrastructure et également le matériel manquant. La hantise d'attentats et la poursuite de la contestation sociale entre grève des transports et poubelles débordantes sur les trottoirs pèsent sur l'ambiance en France. À J-1 du coup d'envoi de l'Euro 2016 de football, près de 8 millions de supporters, dont 2 millions d'étrangers, sont attendus dans le pays durant la compétition. Dans le match France-Roumanie marquera demain soir le lancement officiel. Après les carnages djihadistes de janvier et novembre 2015 à Paris, forces de sécurité et services de renseignement ont mobilisé tous leurs moyens pour prévenir une nouvelle attaque dans les stades, les fan zones et autres lieux publics. Quelques 90 000 policiers et gendarmes armées et agents de sécurité privés sont mobilisés pour sécuriser les stades et les fan zones. Et puis le gouvernement a par ailleurs lancé hier une application alerte attentat pour informer les gens d'une quelconque menace. Elle permet à chacun d'être alerté sur son smartphone en cas de suspicion d'attentat ou d'événement exceptionnellement grave. Ce soir à Paris, un concert géant gratuit de David Guetta au pied de la Tour Eiffel fera office de premier test pour la plus grande fan zone de l'Euro 2016. À la veille du démarrage de la compétition, la contestation sociale qui perdure s'ajoute aux préoccupations des autorités et des organisateurs. Plusieurs secteurs sont encore en grève et les autorités craignent évidemment des répercussions directes sur l'événement. Pendant ce temps-là, les habitants de Bordeaux ont pu faire connaissance avec les Diables Rouges hier. Les Belges ont effectué une séance d'entraînement ouverte au public, suivie par 10 000 supporters enthousiastes. Les joueurs ont communié avec le public bordelais, invité par les autorités à venir assister à la séance. Eden Hazard a été sans conteste le plus acclamé des Diables au terme d'une séance qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Vincent Kompany, qui sera l'un des grands absents de cet Euro côté belge, était venu pour saluer les joueurs qui se retrouveront ce matin pour poursuivre leur préparation avant leur entrée dans le tournoi prévu lundi. Et puis si je vous demande si vous connaissez Bhumibol Adulyadej, il a un nom absolument imprononçable, on est d'accord, c'est mais qui, c'est celui que la Thaïlande célèbre aujourd'hui pour ses 70 ans de règne. Ouais. Bhumibol Adulyadej, figure d'unité du pays, est donc le roi de Thaïlande. Une grande cérémonie d'aumône impliquant 770 moines bouddhistes est organisée aujourd'hui. La foule va principalement porter la couleur jaune, qui est la couleur officielle du roi. Âgé de 88 ans, son règne est le plus long au monde. Vive le roi. Fun Radio. Maintenant dans les stations Q est avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Q8. Ah, je l'ai vu le truc du poulet rôti hier, ça m'a donné envie quand je suis arrivé. C'est, ils font un poulet rôti maintenant dans les stations service. Ça te dit pas, toi? On va le chercher tout à l'heure. Ouais, pour Khalid à 21h54. Oui, c'est ça. Fifth Harmony dans un instant. Il y aura Chainsmokers également qui va débarquer pour le son dance floor. Terminons avec la météo, Jean-François. Le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées. La dissipation de la grisaille matinale prendra toutefois un peu de temps. Les maxima températures s'échelonneront de 16 degrés en bord de mer, de 18 à 21 degrés dans les autres régions. Demain, la journée débutera sous le soleil avant un retour des nuages. Et puis, les risques d'averse augmentera malheureusement pendant le week-end. Le temps de la semaine prochaine sera quant à lui fort variable. Prochain rendez-vous de l'info à 7h30, tout de suite sur Fun Radio, c'est Fifth Harmony. Fun. Fun Radio. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. I don't worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, il est 7h08 sur Fun Radio. À gagner votre overboard de chez Urban Wheel, ce sera dans quelques instants. Bienvenue et bonjour à vous, bon réveil. Je vous secoue tous les matins, c'est Evan, c'est la tribu, bonjour. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, il manque des déconneurs. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait du bien. Avant quoi? Avant le boulot. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. Ah. Bonjour tout le monde, Justine est là, bonjour, Sœur Khalid du Jambon, hey. Jean-François l'info, la météo, Sandro à l'area. Bonjour. Yolande est malade ce matin, oh. Et c'est Billy Boy qui la remplace au standard. Vos SMS au 3044 sont là, vous avez également le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Et puis vous n'oubliez pas le Snapchat de l'émission, envoyez vos petites photos du matin, votre petit déjeuner, vous en train de vous réveiller dans le lit sous la couette avec un œil qui dit merde à l'autre. Dites-nous comment ça se passe également chez vous, n'hésitez pas, je vous lis ce matin en ce jeudi. Pour le son Dance Floor, je vous ai calé que du bon. Avant 7h30, on va se faire face à Afrojack. Il y aura également The Chainsmokers. Vous êtes peut-être à Bastogne ce matin du côté d'Arlon, à Charleroi, à Jean Blou, ah oui, à la Louvière. Bon réveil, merci d'être avec nous. Écoutez ce qu'il y aura à gagner dans 5 minutes. Encore aujourd'hui, on va vous gâter ce matin grâce à Urban Wheels. On vous offre toujours un overboard de chez Urban Wheels. Et cette fois-ci, on vous offre la version Iron Man qui coûte quand même 700 euros. Et alors, je suis actuellement sur le site, un produit qui est épuisé, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. On vous les offre. Voilà, c'est ça. Et alors, en fait, il y a des lumières LED. Donc c'est trop marrant, c'est-à-dire que quand tu roules, c'est un peu comme les chaussures LED là, qu'on offre aux enfants en ce moment. Oui, je vois, y a ça sur l'overboard aussi. Et en tout cas, ce sera à gagner dans quelques instants grâce à la question de Justine. Si vous y répondez correctement, vous serez peut-être avec nous sur l'antenne pour repartir avec cette overboard ce matin. Alors j'ai l'impression que tous les jours, nos copains de chez Urban Wheels, ils montent la valeur de l'overboard. Voilà. On a commencé à 300, là, 500, maintenant 700. Demain, ça sera 10 000 euros. Sans déconner. Mais moi, j'aimerais bien avoir un overboard. Hein. C'est vrai. Hein. J'ai regardé juste comme ça, pour le kiff. Pour le kiff. Mais parce que c'est pratique aussi. Ouais, c'est aussi un truc qui permet vraiment, par exemple, je sais pas, tu t'es cassé une jambe. Et tu peux quand même te déplacer avec ton overboard. Personnellement, même sans jambe cassée, j'en prends un. Feignasse. C'est tardi sur Fun Radio. Petit déj gratos sur Fun Radio. Normalement, nous avons quelqu'un au téléphone dont je ne connais pas le prénom. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Quentin. Bonjour Quentin, ça va ce matin? Ouais, ça va très bien. Bon, alors, nous on est en pleine forme. Nous en pleine forme, franchement, on est de bonne humeur. On sait que les vacances approchent, l'été est là. On a du beau temps, on a du son d'espoir, tout ce qu'il faut. Et en plus, le petit déj gratos. Alors, on est dans quelle ville ce matin, Quentin, avec toi? On est à Olivet-Saint-Pierre, à Stockel, au Pain Quotidien. Alors, le Pain Quotidien, c'est l'établissement qui offre le petit déj gratos aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas offrir aux auditeurs qui viennent de la part de Fun Radio? Alors, soit un croissant, soit un pain au chocolat. Et à quel endroit se trouve le Pain Quotidien? Avenue de Inisdal, numéro 6. Donc, vous allez voir Quentin jusqu'à 10h ce matin pour le petit déj gratos. Chaque jour, une ville différente. On vous salue, hein, vous tous, hein, les artisans, boulangers, pâtissiers, même parfois des petits établissements comme ça qui font des sandwichs et qui offrent ce matin le petit déj gratos. On vous remercie infiniment. Quentin, merci pour le petit déj. Je te fais des gros bisous. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée, dans un instant sur Fun Radio juste après Face et Afrojack, ce sera l'heure de la question de Justine qui vous permettra de remporter votre overboard grâce à Urban Wheels. Et puis on fera avant 7h30 les hallucinations auditives de Sœur Khalid du Jambon, ces paroles qui parfois nous font penser à d'autres choses. J'adore cette séquence, elle va arriver dans un instant. Bon réveil, il est 7h12 sur Fun. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone. You're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I say, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I said, hey, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey. Chainsmokers, c'est ce que je vous ai calé pour la suite du Sundance Floor sur Fun Radio. Il est 7h15, nous sommes jeudi avant les hallucinations auditives. C'est l'heure de répondre à la question du jour pour vous permettre de repartir avec votre hoverboard signé Urban Wheel. C'est eux qui sont nos partenaires de matin entre 6h et 9h pour vous offrir ces hoverboards. Et si je peux juste rajouter une chose, bah, tu peux. Je me suis bien renseignée sur le produit. Vas-y. Donc le hoverboard Ironman qui vaut 700€, qui est aussi muni d'un Bluetooth 4.0 en fait pour la diffusion de musique, c'est-à-dire ah, que cool. T'as une petite télécommande en main et puis tu fais passer la musique de ton smartphone directement sur l'hoverboard pendant que tu roules. Donc vous l'avez bien entendu, c'est un hoverboard qui est en rupture de stock aujourd'hui, oui. Et qu'on vous offre hein, l'hoverboard Ironman, pas facile à dire, j'y arrive pas ce matin. Quelqu'un me dit c'est quel numéro qu'il faut envoyer la réponse, c'est quel numéro qu'il faut y envoyer la réponse. Et bien attends déjà qu'on pose la question puisque là voici la question du jeu. On vous passe à un moment de culte de film, à vous de deviner de quel film ça vient, voilà. On a du mal à parler. Ouais, non, ça va aller, écoutez vous comprendrez. Un sarrasin! Un sarrasin dans une chariote de diable! Oh là là, messire, venez voir! Là, messire, là! Alors donc tu vas demander ce matin à quel film appartient cette réplique culte. Voilà c'est ça, alors je vous propose trois choses, soit Les Inconnus, soit Les Bronzés ou bien Les Visiteurs. Et si vous avez la réponse, vous envoyez le code FUN, donc F-U-N pour commencer votre message, suivi de votre proposition, tout ça au 63-22. Si vous êtes rappelé que vous décrochez à tout moment, vous pouvez être sélectionné pour repartir avec un hoverboard ce matin. De nouveau mise en jeu par Urban Wheels, Chainsmokers, c'est ce qui arrive sur FUN. Et juste après, les hallucinations auditives signées sur Kelly du jambon. Encore bien se marrer, bien se poiler avec tout ça. Bonjour. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Ah Coralie, comment vont tes cheveux? Mal. Attends, Levi, t'as pas envie de prendre une fois Coralie dans une de tes vidéos make-up pour la transformer, s'il te plaît? Attends, mais d'abord, moi j'ai envie de savoir pourquoi ses cheveux iraient mal. Bah parce que regarde, on dirait Hagrid. Bah oui, t'as vu? Bah ça change pas d'habitude. Tous les soirs, dès 20h, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Moi, j'aime toujours les légumes à la vapeur. Oh, rien de mieux que cuire ses légumes à la vapeur. Ça en préserve tous les bienfaits, tu sais, ça, petit. Ah oh, oui, je le sais, monsieur Marc. Surtout que des bienfaits, il y en a plein dans nos bonnes courgettes. Alors, un bon conseil, ne les ratez pas. Elles sont en promo. Oui. D'ailleurs, mettez la vapeur. Allez, hop. Tchou tchou. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses courgettes sont à seulement 1,59€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Avoir une nouvelle sœur ou un nouveau frère venu du bout du monde pendant un an te tente? YFU Bruxelles Wallonie recherche des familles d'accueil pour des jeunes de 15 à 18 ans venant des quatre coins du monde. Tu pourras découvrir une nouvelle culture, t'ouvrir sur le monde, lui apprendre comment tu vis ici. Ouvrez-vous au monde. Make the world your home. Contacte sans plus tarder YFU Bruxelles Wallonie. Plus d'infos, www.yfu-belgique.be 04 223 76 68. Pour vous secouer dès le matin. Yeah. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Now I call your name, but you're not around. me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Je vous ai calé le son de Kungs dans un instant sur Fun Radio. Nous sommes jeudi le 9 juin, 7h21. C'est Evan, c'est la tribu. On reviendra dans un instant sur l'overboard qu'il y a gagné ce matin. On aura du Fabien Feyesh. Et puis le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Khalid. Ce sera juste avant 8h sur Fun. Croyez-vous vraiment ce que vous allez entendre? Voici les hallucinations auditives d'Evan et la tribu. J'adore cette séquence. Alors c'est peut-être la première fois que vous allez l'écouter hein, en fonction de l'heure de votre réveil, parce que d'habitude on fait ça vers 8h45. Et là on a avancé un petit peu cette séquence que je kiffe grave. Explique-nous le principe sur Khalid du jambon. C'est très simple. Vous écoutez une musique en anglais et on a l'impression d'entendre des phrases en français. Très bien, premier exemple. Premier exemple, on commence avec Global DJs avec son morceau Work. Ou, et ça c'est toi qui me l'as refilé Evan, mm-hmm. On a l'impression qu'elle dit connard. Allez, on écoute. Elle est fâchée avec l'ingé son, je crois. Extrait. Elle gueule sur le mec. Elle gueule sur lui. Elle monte le son, connard. C'est ce que lui dit. Deuxième extrait. Drop Gun, dans son morceau Together as One. On a l'impression qu'elle dit c'est meilleur quelqu'un, coucou là-dessous. Attends, c'est meilleur quelqu'un, coucou là-dessous. Écoutons. Ah, il faut qu'on la réécoute cette séquence là de Drop Gun. Rappelle la phrase qu'elle est censée dire. C'est meilleur quelqu'un, coucou là-dessous. Hallucination auditive. J'adore, mais qu'est-ce que je kiffe cette séquence. Troisième extrait. De Rasmus, est-ce que tu te souviens de ce vieux groupe de rock? C'est pas ceux qui c'est le générique de Laurent Ruquier avec On n'est pas couché le samedi soir. Avec In the Shadows. Et à un moment donné, lui il dit il y a des chatons sous ma table. Ah mais laissez. Mais qu'est-ce que j'adore, je kiffe. Dernier extrait sur Khalid du jambon. Eh bien là je t'ai trouvé une hallucination en français dans une chanson chantée en français. Sérieux? Ouais. Et c'est Mika qui s'y colle. Dans sa chanson Elle me dit, tu vois le premier morceau où il a Elle chanté. Elle me dit, c'est son premier morceau qu'il a chanté en français. Avant il chantait qu'en anglais d'ailleurs. C'est ça. Et bien là il se lâche totalement parce qu'il dit pourquoi tu caches ta Ah oui d'accord, okay. Donc, tu me crois pas, extrait. Écoute. Eh bien parce qu'elle est pas très jolie, c'est sans doute la réponse. 7h23 à suivre le son de Kungs. Merci sur Khalid du jambon pour les hallucinations auditives. Merci Benoît pour son petit coup de main, notre stagiaire. Kungs arrive et puis juste après on aura des anniversaires à fêter sur Fun Radio. Yo, je suis un rappeur du matin au soir. Je vis ma vie sur le fil du rasoir. Jouer avec le kilométrage, non mon gars, je trouve pas ça très sage. Avec le carpasse, fini le traficotage. Chaque voiture a son histoire, faut l'assumer. Tout le monde peut vérifier que le compteur est ok. Tricher avec les kilomètres, tu vas te faire coincer. Tu vas te faire coincer. Coincer. T'as pigé, faut arrêter. Carpasse, depuis 10 ans, la garantie officielle du kilométrage réel. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express de danois. Une bière, s'il vous plaît. Ich vil gerne en hol. Santé. School. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. C'est grave, docteur? Non, c'est une petite Bentekit, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin. En exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Info en magasin et sur faitonlefoot.be. Fun Radio. Fun Radio. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice. Goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose. Dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Allez, allez, allez. Le buzz n'était que factice. Je ne suis plus dans la matrice. Y'a plus personne pour en parler. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour récupérer ce que je suis en train de gâcher. Enfin sorti de ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Avant que mon ego s'impose, j'ai fini de te regarder. Que vous mangez les bananes avec la peau, que vous n'avez pas le droit de bien rigoler le matin. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. Faites gaffe quand même avec les ananas. Ça pique un peu à l'arrivée. son dance floor de la déconne tous les matins. C'est Evan, c'est la tribu. Il y aura Fabien Feillège qui va arriver dans 15 minutes. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Khalid également. Ça nous prend la tête depuis maintenant quasi deux semaines. On tourne autour du pot, enfin autour de la boîte plutôt. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ça sera juste avant 8h. Rappel de la question du jour pour vous permettre de repartir grâce à Urban Wheels avec votre overboard de nouveau ce matin. On vous passe un extrait sonore. À vous de deviner de quel film est-ce que ça vient. Écoutez. Mais si, un sarrasin! Un sarrasin dans une chariote du diable! Oh là là, messire, venez voir! Là, messire, là! Ok! Trois propositions, soit les inconnus, soit les bronzés, soit les visiteurs. Et si vous avez la réponse, vous envoyez le code FUN, F-U-N, suivi de votre proposition, au 6322. Alors, vous tapez pas code FUN, comme je l'ai déjà vu. Ouais. C'est vraiment FUN, vous commencez votre message par F-U-N, tout simplement, suivi de votre réponse. Tout ça, envoyé au 6322. Si vous êtes rappelé et que vous avez la bonne réponse, surtout que vous décrochez, vous serez sélectionné pour repartir, peut-être avec votre overboard ce matin sur Fun Radio. Et suivre le son de Drake, One Dance. Juju, je te l'ai calé pour toi. Merci. Écoute, c'est Drake qui chante pour toi. Fun. Fun Radio. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparixl.be. Et bienvenue tout le monde et bon réveil sur Fun Radio. Il est 7h31, les infos, la météo, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Deux hommes ont ouvert le feu hier soir dans un quartier animé de Tel Aviv. Trois personnes ont perdu la vie, plusieurs autres ont été blessées. Au moins l'une d'entre elles se trouve dans un état critique. La police a d'abord indiqué qu'il n'y avait qu'un tireur avant qu'un porte-parole des forces de l'ordre annonce qu'ils étaient en fait au moins deux à perpétrer ce qui semble être une attaque terroriste. La police a fait feu sur ces deux individus. L'un a été blessé et emmené à l'hôpital avec ses victimes. La fusillade s'est produite dans le quartier festif de Sarona, au cœur de la ville et à proximité du quartier général de l'armée israélienne. Selon plusieurs analyses de la boîte noire contenant les données du drame ferroviaire de Saint-Georges-sur-Meuse de dimanche soir, le conducteur du train de passagers aurait freiné trop tardivement. Il aurait bien vu le feu double jaune et activé le signal pour assurer qu'il l'avait vu, mais sans actionner le freinage. Roulant alors à 110 km/h, il n'aurait freiné qu'en voyant devant lui le train de marchandises, réduisant alors sa vitesse à 90 km/h. À cette vitesse, la collision était inévitable. Le conducteur, en activant le signal, aurait en outre désactivé les systèmes de frein automatique. Une cellule d'experts a été mise en place, mais les investigations vont durer plusieurs mois. Pour le Premier ministre Charles Michel, les négociations avec les syndicats au sujet des prisons sont terminées. La CSC et la CGSP n'ont toujours pas signé le protocole d'accord et ont adressé une contre-proposition à Charles Michel qui estime quant à lui que tout est dit et qu'il n'y a donc plus aucune raison de poursuivre la grève. 480 gardiens supplémentaires sont prévus ainsi que la rénovation des prisons et même via le master plan la construction de nouvelles prisons. Le gouvernement reste donc disposé à accueillir la CGSP et le CSC pour signer enfin le protocole d'accord. Le nettoyage se poursuit pour les personnes touchées par les orages. Depuis le début de la semaine, ce sont principalement les habitants du Tournaisis et du Brabant Wallon qui ont entamé les opérations pour retrouver des conditions de vie plus décentes. Il s'agit aussi pour elles de lister les dégâts, de prendre des photos et entamer les démarches auprès des assurances. Cela va prendre du temps, vu le nombre de dossiers qui vont devoir être traités. Pour les personnes qui ont souscrit une assurance qui couvre à la fois les catastrophes naturelles ou encore les dégâts des eaux, les personnes sinistrées ont déjà été invitées à tenir les objets abîmés en attendant les premières expertises des assurances. Un mot de sport pour conclure, pour vous dire qu'Ostende est devenu champion de Belgique de basket pour la 17e fois de son histoire et pour la 5e fois d'affilée grâce à sa victoire hier face à l'Ost 69 à 74 lors de la 4e manche de la finale des playoffs. Les Côtiers n'ont donc pas dû attendre une 5e manche pour sabrer le champagne. Déjà vainqueur cette année de sa 17e Coupe de Belgique, Ostende compte ainsi désormais 17 titres de champion. Les Côtiers réussissent leur 4e doublé Coupe Championnat de suite. Fun. Fun Radio. Maintenant dans les stations Q est avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Q8. On vous redonnera l'adresse du petit-déj gratos dans un instant sur Fun Radio. Terminons avec la météo. C'était cool hier. Est-ce que ça va continuer comme ça aujourd'hui, Jean-François? Eh bien, Van, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées aujourd'hui. Les maxima de température vont s'échelonner de 16 degrés en bord de mer à 18 à 21 degrés dans les autres régions. Et puis, pour demain, c'est encore une journée qui va débuter sous le soleil avant un retour des nuages, mais un temps qui devrait rester relativement sec. Le prochain rendez-vous de l'info à 8h. Tout de suite, le son dance floor sur Fun Radio avec Drake. Fun Radio. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Taré comme jamais, tous les matins 6h-9h. Evan et la tribu sur Fun Radio. Baby, I like you so. Grip Thoughts on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Vous écoutez Fun Radio, il est 7h38, c'est Evan, c'est la tribu. Fabien Fayet, je vais arriver dans un instant. Il y aura le Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et puis rappel du petit déj gratos. Chaque jour une ville différente avec nos copains artisans, boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers également, qui vous offrent le petit déj gratos. On est au pain quotidien de Stockel ce matin. Vous allez avenue de Innisdal au numéro 6, c'est à Woluwe-Saint-Pierre. Et puis Quentin vous attend pour vous offrir un pain au chocolat ou un croissant par personne. Est-ce qu'on a des anniversaires de stars aujourd'hui? Alors c'est l'anniversaire de Nathalie Portman qui a 35 ans, oui. De Johnny Depp qui a 53 ans aujourd'hui. Putain. Et puis c'est aussi l'anniversaire de Donald Duck qui a 82 ans. Ah, le canard. Voilà, c'est lui. Non, quelle je belle sais... imitation. Il vient pas faire le canard. Non, c'est Daffy Duck. Il y a des gens qui savent faire Donald. J'ai pas parlé comme ça. On a l'impression que t'es en train de vomir. On va appeler quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui. On est prêt, Billy Boy? Tu l'as bien calé dans la machine? Billy Boy, notre standardiste qui remplace Yolande. Billy Boy qui est tout en calme. Il pourrait être le fils caché d'Yolande. Il est d'une plénitude incroyable. Et depuis 6h du matin, il n'est pas assis. Hein. Ouais. C'est incroyable. Il y a visiblement un problème, Billy Boy, avec le standard. Sandro, tu peux. Il faut le mettre en bleu, Billy Boy. Il faut le mettre en bleu, Billy Boy. Alors attention, il le met en bleu. Voilà. Vous vivez tout en direct. C'est ça qui est génial. C'est la magie de la radio. Nous allons appeler quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui est une habituée d'ailleurs de l'émission. Hein. Et devinez qui c'est, ça sonne. Ça sonne ou pas? Oui. On peut avoir des indices. Salut, il faut 2 minutes pour appeler quelqu'un. Ça commence à me saouler. Et dans un instant, il y aura un lisso. Allô? Allô, pourrais-je parler à Natacha? Oui, c'est moi. Bonjour Natacha, t'es en direct sur Fun Radio, c'est Evan, c'est la tribu. On te souhaite un bon anniversaire, ma tribu. Alors. Ce ne serait que moi, je ne t'aurais pas appelé. Mais par contre, ta fille a été très insistante pour qu'on t'appelle ce matin et t'appeler pour ton anniversaire de la part de ta fille, de son frère, de son papa. Voilà, qui pense très fort à toi en disant que t'es une maman formidable. Et il paraît que tu pars en Italie là dans quelques jours, c'est vrai ? Ben, je pars demain en fait. Je vais fêter mon anniversaire en Italie avec une amie. Voilà. Ah, il y a vraiment des gens qui ont de la thune. Hein.

Je crois que je vais reprendre un petit café, moi. 7h45, nous sommes jeudi. Dans un instant, Justin Timberlake et le Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Rappel de la question du jour pour vous permettre, grâce à Urban Wheels, de gagner votre overboard et pas n'importe lequel, parce que c'est un overboard spécial ce matin. Ouais, un Ironman qui vaut quand même 700 euros avec notamment des lumières LED disposées sur les pneus et puis aussi un Bluetooth 4.0 pour la diffusion de musique avec une commande à distance. Et comment on le gagne alors, cet overboard? Alors, bah, c'est simple, je vous fais passer un extrait sonore et vous devez deviner de quel film est-ce que ça vient. Écoutez. Mais si, un sarrasin! Un sarrasin dans une chariote du diable! Oh là là, messire, venez voir! Là, messire, là! Alors, quel est ce film dont est extrait ce moment culte, hein, j'ai envie de dire, pour ceux qui savent? Alors, je vous propose trois choses, soit Les Inconnus, soit Les Bronzés, ou bien Les Visiteurs. Si vous avez la réponse, vous envoyez le code FUN, F-U-N, suivi de votre proposition, tout ça au 63-22. Bonne chance à vous, vous commencez bien FUN avec votre message, hein, F-U-N, suivi de votre proposition de réponse. Si vous êtes rappelé avec la bonne réponse et que vous décrochez, vous serez peut-être sélectionné pour repartir avec l'overboard mis en jeu avec Urban Wheels. On va rappeler quelqu'un qui fêtait son anniversaire ce matin. Et j'ai oublié que j'avais un cadeau pour elle. Natacha, c'est Evan. Oui. Alors, je t'ai appelé pour ton anniversaire, mais vu mon grand âge, j'ai totalement zappé qu'on avait un cadeau pour toi, en fait. Et, vous êtes trop gentil. Et ce cadeau, bon, il est gratuit, hein, sinon on a pas tué. C'est pas un t-shirt de l'émission, c'est mieux que ça. Je vais t'offrir les cordes vocales de Khalid, qui a préparé pour toi, avec l'aide de ta petite famille, une chanson spéciale pour ton anniversaire, pour Natacha, notre c'est auditrice. C'est pas vrai. Mais oui, c'est pas vrai. À demain. On va écouter. On va écouter. C'est drôle, ça. Le morceau qui est proposé par Khalid. Tom, c'est parti. Dis-moi, Natacha, tu connais Doc Gynéco? Oui. Il avait fait une chanson qui s'appelait Vanessa. Ah ben moi j'ai fait la chanson Natacha. Yeah. Est-ce que t'es ready? Yes, I'm ready. Oui, comment oublier tous ces talents cachés, ces plats mitonnés qui nous chatouillent le gosier. Je n'ai qu'à faire pour me remémorer. Je rêve de tes plats esquis, de scampi qu'on des habits qui me chatouillent les papilles. Et déjà mes yeux brillent. Oh, cette odeur. Oh, Natacha, mon estomac crie à la mort. J'ai déjà des remords car je pense à la taille de mon ventre, à mon tour de taille qui va encore prendre. Encore, encore. Oh, Natacha, je ne pense qu'à ça. Tes plats me font baver, baver. Je veux me régaler. Risotto, pesto, tiramisu, spéculoos, apéro à gogo, plus tard le dodo. Dans ma tête j'entends résonner la phrase préférée de ta famille qui te soit un Happy Birthday. C'est bon. Bientôt en Happy concert Sœur Khalid. Je te signale, j'essaie d'imiter Doc Gynéco comme j'ai pu. Hein. Faut être beaucoup plus lent. Hein. Justine, ça t'a plu? Ouais, bah si j'avais su que c'était ça, moi j'aurais pas rappelé Natacha. Natacha, je te souhaite un bon anniversaire. Dans un instant, je vais te passer le son de Justin Timberlake, ma doudou. C'est 7h48. Fabien Feyesh. Justine. Oui. Qui est Angela Merkel? Angela, on dit. Une Allemande. D'accord. La chancelière. Oh là. Oh, voilà. Oh, oh là. La chancelière. Oh là. C'est ça, non? C'est que de culture. Énorme culture. Voici donc Fabien Feyesh qui a réussi à trouver une Madame Merkel. Écoutez. Fabien Feyesh. Allô. Bonjour madame, je m'appelle Fabien Feyesh, on s'est déjà au téléphone je crois. C'est bien madame Merkel au téléphone? Oui. Bah écoutez, je voulais vous féliciter. Pourquoi? Ben parce que madame Merkel, vous avez été élue femme la plus puissante du monde. Dans les journaux, j'ai vu ça, madame Merkel, c'est la femme la plus puissante du monde. Ah oui, tiens... ça y est, c'est bon, je vous reconnais, c'est bon. Ah. Bon, vous reconnaissez? Alors vous, visiblement, non, vous ne m'avez pas reconnu par contre, hein, c'est toujours pas Angela Merkel là. Hein. Mais c'est qui? C'est... Allô? Re-goûte un tag, madame Merkel. C'est le lourd. Oui, c'est moi, c'est Fabien Feyesh. Ah bah oui, je vous ai bien reconnu, oui. Oui, non mais là je vais vous faire plaisir parce que je vous ai préparé un petit mot en allemand. Ah bah oui. Ich nicht sehr gut Gratulieren. Ok, bah, continue à prendre des cours. C'est pas bon. Ah. Allô. Madame Merkel, c'est encore Fabien Feuillage. Oh là là, oui, c'est encore vous. Non mais ça va, vous avez du forfait ou quoi là? C'est quoi votre problème? Vous allez continuer à m'appeler combien de temps là? Ah ben oui, j'ai forfait, oui, je suis en illimité. Oh putain, je suis pas dans la merde. Allô. Allô, est-ce que c'est Frau Merkel? 9, 9, 9, 9, 9. Ya. 9. Bah moi je dis ya. Maltou. Motu, c'est pas de l'allemand ça, c'est du chinois. Comme tu le prononces, c'est sûr, c'est pas de l'allemand, non, ça c'est sûr. Allô. Frau Merkel, c'est Fabien. Non, j'en ai marre là, franchement c'est saoulant là. Je sais, ich weiß, mais j'ai fait un effort, j'ai appris mon beau sapin en allemand, donc c'est juste pour vous, je vous le fais 2 minutes. Non, c'est pas la peine. Si, Tannenbaum. Tannenbaum. Du kannst mich, ja. Quoi? Was? Oh là là, je suis perdu dans les paroles là. C'est quel couplet que vous faites là? Scheiß Tannenbaum! Hey, Tata Jacotte, tu verrais avec Mme Merkel, on fait un beau duo hein. Écoutez toute la journée, quand vous voulez, Fabien Feyesh sur soundcloud.com en tapant dans le moteur de recherche Evan et la tribu. 6h-9h sur Fun Radio. Écoutez, ça s'est passé dans la Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Sandro, tu mets quoi dans ta voiture? Parce que Kiki, il met une vaillinée, là, il y a Cricri qui met des dés, leur menthe. Non, je mets rien du tout, moi, parfois c'est le bordel. Fab, tu mets des trucs dans ta voiture ouais, ou pas? Mon gros cul. Oh. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certains. Ouh, quel swing, bravo. Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all in one, voilà. Non, attendez. Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all in one. J'ai jamais vu ça, jamais. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur Volkswagen.be. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Chateaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 € de réduction sur le kilo de Chateaubriand. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Nos Pires Voisins 2 et Ninja Turtles 2. Vendredi 24 juin, le Coca... Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all? Under the sea, I'm fading. Réveillez-vous comme vous êtes. Evan et la tribu. 6h, 9h. Sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. You when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. When you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon. So keep dancing. Everybody say, déjà vous les amours, les doudous, il est 7h58, c'est Evan, c'est la tribu, ce matin nous sommes là avec du son dance floor, de la déconne, qu'est-ce que tu nous as calé après les infos de 8h mon doudou Sandro? Mon préféré. Lequel? Attends, je cherche l'extrait. Est-ce que tu touches à tout? Mais bien sûr, Radio Taquet, c'est Ritza qui va arriver, voilà, avec Je m'en fous. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Message d'anniversaire ce matin avant le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Bonjour les rondelles, bon anniversaire à mon frère Christophe qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Ça y est Christophe, t'es vieux et c'est de la part de Fanny. Voilà, le message est passé. Fanny, on a essayé de t'appeler hors antenne. On est tombé sur ton répondeur. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Rappel du montant de la cagnotte, Justine. On est à 80 euros aujourd'hui. 80 euros à gagner si vous trouvez ce qu'il y a dans la boîte de Khalid. Ça fait quasi deux semaines maintenant qu'il nous prend la tête avec ça et qu'on tourne autour du pot. Rappelle-nous les indices et on est de plus en plus près, mais pour l'instant ça ne tombe pas. Alors, on sait que c'est une fermeture, que c'est en rapport avec le papier aluminium du pot de Nutella, que c'est de forme ronde et que c'est en rapport avec une boisson. Donc, en fait, il s'agit du petit filtre en alu qu'il y a au-dessus d'une boisson. Mais maintenant, il faut trouver la boisson. Il faut trouver la boisson. D'accord, voilà. Khalid, il faut trouver la boisson. Totalement. Qu'est-ce que vous avez proposé hier? On a dit que c'était faux. Il y a Aquarius, non c'est pas ça. C'est pas de l'Aquarius. C'est pas de l'eau. Toi t'avais demandé si c'était de une boisson sucrée. Ce à quoi tu avais répondu. Oui. Voilà, donc vous avez une info là-dessus. Maintenant il va falloir réussir à trouver exactement ce qu'est cette boisson. Si vous avez la réponse, écoutez comment jouer. Vous envoyez le code EVAN suivi de votre proposition au 6322. Bonne chance à vous. Dans la prochaine heure sur Fun Radio, on va vous expliquer comment vous pouvez faire du sport l'équivalent d'une heure et demie en 20 minutes. Et c'est pas du mytho juste avant l'été. Ce sera juste après les infos. La météo, il est 8h sur Fun. Fun Radio. Fun. Fêtez papa avec Ici Paris XL.

tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes, mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui j'ai tort, moi je préfère me taire. Ouais au fond, je m'en fous. Nous sommes le 9 juin aujourd'hui, c'est Evan, c'est la tribu, on est ensemble jusqu'à un peu plus de 9h pour vous secouer, vous réveiller dès le matin. Allez, on chante, c'est parti! Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait trop du bien, avant le boulot. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, Evan et les connards. Tout le monde est là ce matin, ou presque. Raymond, Lecoq, Justine, Sorgalite du Jambon, Jean-François, hey. Sandro. Hey. Et Yolande est un petit peu malade ce matin, donc du coup c'est Billy Boy qui la remplace au standard. Il y a ce message qui fait plaisir que je veux vous lire ce matin. Bonjour toute la famille, on vous souhaite une bonne journée, car on ne vous le dit pas assez souvent quand on est comme ça. Vous êtes cool, on vous adore et on vous passe un bonjour. C'est signé Cédric, Mélissa et le petit Eden. Merci beaucoup. Petit déj gratos ce matin, on est dans quel coin Justine? On est à Stockel, vous allez au Pain Quotidien, avenue de Innisdal au numéro 6, à Woluwe-Saint-Pierre. Quentin vous attend et vous offre un pain au chocolat ou un croissant par personne. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse parce que par exemple vous êtes en train de conduire, vous pouvez la retrouver tout au long de l'émission sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Pour la suite du son Dancefloor à 8h08, je vous ai calé Madden. Et les filles, ce n'est pas tout, avant 8h30, le beau Enrique va débarquer. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? 80€ à gagner ce matin dans la cagnotte du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, cette cagnotte que vous allez pouvoir rafler. Rappel des principaux indices, Justine. On sait que c'est le papier aluminium en fait qu'il y a au-dessus généralement des pots de Nutella ou des boissons. Et en fait, simplement maintenant, on cherche la boisson. Voilà, 80€ dans la cagnotte et Virginie, 29 ans, qui est là avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Evan et la tribu. Bienvenue à toi, ma doudou. T'habites dans quel coin? Châtelet. Châtelet, ça se passe bien ce matin? T'es en voiture, t'es chez toi, tu fais quoi? Je me suis mise sur le côté, là je vais au boulot, je suis institutrice donc... Voilà. Sacré boulot, institutrice, c'est vrai que t'as des enfants en plus toi? Oui, j'en ai 4. Ah d'accord, elle en a à la maison, elle en a au boulot, elle en a tout le temps, tu dois aimer les vacances quand même de temps en temps, hein, Virginie. J'avoue que c'est pas de refus. J'imagine. Virginie, pour 80€ ce matin, tu penses qu'il y a quoi dans la boîte? Je pensais à la boisson Tropicana. Ah, c'est bon, dès le matin, ça. Bon petit Tropicana. Khalid. C'est un excellent indice, puisque dans les dans Tropicana, il y a énormément de fruits. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ah oui, ça veut dire que c'est un jus de fruits, ce qu'il y a dans la boîte. Non, dans la boîte, il y a des fruits. Je dis pas forcément que c'est un jus. Bon, ça n'avance pas, ça m'énerve. Je n'arrive pas à trouver. Ah si, attends, là franchement... Ouais, non. Est-ce que c'est un produit laitier? Oui. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Bienvenue, c'est la génération pub. Virginie, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Évidemment, tu peux rejouer quand tu veux. Si tu as une autre idée, il n'y a aucun problème. Je te fais un gros bisou. Un gros bisou également à tous les enfants que tu vas retrouver tout à l'heure hein, dans ta classe. C'est qui ton chouchou? J'en ai pas, ils le sont tous. Je sais, j'ai fait exprès de poser cette question. Virginie, je t'embrasse très fort. Bonne journée. Merci, à toi, bisous. À bientôt Virginie. On rejoue demain au Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ce sera à partir de 7h55. Est-ce que je rajoute un petit peu de pognon dans la cagnotte, Justine? C'est toi qui décides. Allez, un petit peu, parce qu'à mon avis on a donné trop d'indices. Et maintenant à mon avis la réponse va tomber. Elle va tomber dans les jours qui viennent. Alors on rajoute 10 euros. Et donc il y a 90 euros maintenant dans la boîte. Si vous pensez savoir ce qu'il y a dans la boîte de Khalid, vous envoyez Evan suivi de votre proposition de réponse. Tout ça au 63 22. Bonne chance. L'invité de la tribu. Mesdames, messieurs les amours, je vous demande d'accueillir Simon de chez X-Buddy. Ouais. Alors, je vais faire les présentations. Simon, Justine. Bonjour. Justine, Simon. Alors, Simon a deux qualités. Hein. La première, c'est qu'il va sculpter ton corps. Ah oui. Et la deuxième, c'est qu'il faut bien avouer que par rapport à nous, il est plutôt beau gosse, bien foutu, avec des biceps énormes. C'est quoi le rapport poids-taille pour toi, Simon? Maintenant, je suis à 89 kilos pour 1m73. Putain, c'est fou. Alors, imagine la différence. Moi, je fais 1,83 et je fais 68 kilos. T'as vu? C'est la même. La différence, c'est un Justine. Ah bah, parfois, dans les magasins, les poissonneries, on m'appelle la crevette. Hein. Alors, Simon, dans un instant, tu vas nous expliquer comment, et c'est une vraie révélation, tu es capable, et on va le faire vraiment ce matin avant 9h, tu vas faire du sport à Justine. Ce qu'elle va faire en 20 minutes, c'est comme si elle avait fait du sport pendant 1h30. Si je résume, ouais, c'est bien ça. Donc, X-Body, ça se trouve où en Belgique? Alors, on a 3 studios pour l'instant. On en a Uccle, un à contre Wavre. Et un dernier, Alan. Bon, alors, dans un instant, restez bien avec nous parce qu'on va vous expliquer, on va révéler vraiment comment, juste avant l'été, vous avez la possibilité de pouvoir faire du sport. Et Justine, tu vas tester ça. J'ai déjà crevé. Avant 9h. Elle est déjà épuisée. Rien que... Mais en gros, elle va devoir rien faire. Non, il y a des exercices. Ah, non. Quand même. Voici Madden sur Fun Radio avec Golden Light sur Fun. We met a summer night and I held you tight in the golden light. And ever since that time I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. 8h30, je vais vous passer Enrique Iglesias sur Fun Radio. Rappel de la question du jour pour remporter grâce à Urban Wheels ce matin votre hoverboard et pas n'importe lequel, Justine. Oui, c'est l'hoverboard Urban Wheels, donc Iron Man, qui vaut 700 €, qui est stylé parce qu'il a des LED sur le côté, c'est-à-dire sur les roues, et puis aussi une commande Bluetooth qui permet de faire passer la musique directement sur l'hoverboard. Et si vous allez voir sur le site d'Urban Wheels, il est en rupture de stock. C'est ça, on est vraiment les derniers là, en Belgique, voilà, à pouvoir vous le filer ce matin. Si vous répondez à cette question, écoutez l'extrait, vous devez deviner de quel film est-ce que ça vient. Écoutez. Monsieur, un sarrasin dans une chariote du diable. Oh là là, monsieur, venez voir. Là, monsieur, là. Ah, j'adore. Quel est donc ce film dont est extrait cette phrase culte, ce moment culte? Trois propositions. Soit il s'agit des Inconnus, soit des Bronzés ou bien des Visiteurs. Et si vous avez la réponse, vous envoyez le code FUN, F-U-N, suivi de votre proposition. Tout ça au 63-22. Avec nous, Simon de chez Xbody ce matin qui va nous expliquer, vous expliquer, surtout à l'approche de la plage, comment vous allez pouvoir sculpter votre corps, c'est-à-dire faire du sport l'équivalent d'une heure et demie, mais en 20 minutes. Et c'est Justine qui va tester ça tout à l'heure. Alors, Simon, c'est toi qui a dit qu'en plus tu te mets au sport à partir de lundi. Oui, mais par contre, tu m'avais pas dit qu'il faut mettre une petite combi où tout le monde voit mes gros mollets alors que je suis super complexée. Mais j'adore ta rotule. Non, mais moi j'aime pas qu'on les voit. Oh, comment on peut être complexé des mollets? Parce que j'ai des gros mollets, que je te dise. Alors, Simon, c'est vrai qu'on s'y prend toujours à la dernière minute pour l'été. C'est-à-dire que c'est souvent début juin où les gens ils font bon, allez vite, je vais aller m'inscrire dans une salle de sport parce que là je suis pas présentable à la plage. Et donc, est-ce qu'on peut arriver, grâce à cette technique Xbody qu'on découvre ce matin, à sculpter un corps assez rapidement, on va dire qu'il reste un mois avant de partir à la plage? C'est possible, mais bien sûr la nutrition doit suivre. Faut arrêter de bouffer du McDo comme Justine. Voilà, exact. Parce qu'on est d'accord que, on est d'accord, le McDo ou le Quick, je vais pas faire de référence à la marque particulière, mais c'est de la graisse qu'on stocke sur le bas-ventre en gros. C'est... Un peu partout dans le corps. Un peu partout, ouais. Même dans les mollets. Surtout dans les mollets. Explique-nous en une minute alors ce que va vivre Justine avant 9h, que vous pourrez vivre aussi en vous inscrivant, vous, de l'autre côté de votre poste. Alors, tu vas devoir faire plusieurs exercices, bien sûr stimulés par l'électricité, ce qu'on appelle l'électrostimulation. Mais alors, attends, c'est quoi cette histoire de combinaison? Raconte-moi. Alors, la combinaison est connectée à un ordinateur qui envoie des pulsions électriques. Arrête! Donc, pas plus, c'est pas fort. Bien sûr, je vais régler pour que ce soit assez intense, parce que j'ai entendu qu'elle veut recommencer le sport, donc c'est idéal pour avoir la pêche directement. D'accord. C'est une combinaison quoi, en latex? Non, c'est juste une combinaison. Excuse-moi, c'est nylon, un vieux fantasme. Donc c'est du nylon. Ouais. La combinaison, elle couvre quelle partie du corps? Tout le corps? Quasi tout le corps. Il y a juste pas la tête les avant-bras, et pas les mollets. D'accord, pas les avant-bras, pas les mollets. Donc tu manques de peau, les mollets, deux trucs qu'elle veut cacher. En fait. C'est ça. Et donc pendant 20 minutes, on fera ça, on lancera ça après le flash info. On va le filmer évidemment pour que vous puissiez voir ça. Elle va découvrir le sport. Normalement, elle va perdre combien de calories en 20 minutes? Ça dépend de l'intensité que je mets dans la machine. Mais normalement, en moyenne, on va 5-600, ce qui est l'équivalent d'une heure et demie de sport en gros. Ouais, sur 20, ça plus ou moins. Ça va déchirer, on fait ça dans un instant, juste après le son d'Enrique Iglesias. T'es prête, ma Juju? Non, pas trop. Prépare tes mollets. Vous écoutez Fun Radio, c'est Evan, c'est la tribu, 8h19. Bonjour les doudous, bienvenue et bon réveil tout le monde. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Sandro, tu mets quoi dans ta voiture? Parce que Kiki, il met une vainée, là, il y a Cricri qui met des dés, couleur menthe. Non, je mets rien du tout, moi, parfois c'est le bordel. Fab, tu mets des trucs dans ta voiture, ouais, ou pas? Mon gros cul. Oh. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois? Moi, j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord? Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. La question du jour de Pizza Hut. Citez-moi 5 qualités du menu tout compris de Pizza Hut le jeudi. Une entrée, une pizza au choix, un dessert, une boisson de 10 euros. Exact. Aujourd'hui, dans les restaurants Pizza Hut, une entrée, une pizza au choix, un dessert et une boisson pour seulement 10 euros. Comment bien manger? Quand le soleil arrive à l'improviste. En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Châteaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 euros de réduction sur le kilo de Châteaubriand. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Les amours, ce matin sur Fun Radio, je vous révèle comment faire du sport sans souffrir avant l'été et surtout lorsque vous faites 20 minutes avec la technique X-Body, hein, on reçoit Simon ce matin. Eh bien, ces 20 minutes, c'est l'équivalent d'une heure et demie de sport et Justine va tester ça juste après les infos et la météo de 8h30. Elle sera en combinaison. Oh, je vois la combinaison. On dirait quasiment un... un gilet de sauvetage, mais un gilet de sauvetage, il y a le haut et le bas. On va dire une, on va croire que t'es une X-Men là-dedans. Un petit ouais, peu. Ouais, un buff quoi. On va mettre la photo sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. On la met là dans deux secondes. Un rappel de la question du jour pour repartir avec votre hoverboard de chez Urban Wheels. Et en plus, c'est un hoverboard spécial ce matin, épuisé, stock épuisé. Et on est les derniers à le posséder en Belgique. Un hoverboard Iron Man, c'est super dur à dire, de chez Urban Wheels, qui vaut 700 euros avec des LED disposés sur les pneus et puis aussi muni d'un Bluetooth 4.0 pour diffuser votre propre musique depuis votre smartphone. Alors pour essayer de remporter cette hoverboard, j'appellerai chez vous juste à la fin de l'émission comme on le fait chaque jour aux alentours de 9h05, comment faire? On vous passe un moment culte, à vous de deviner de quel film cet extrait, écoutez. Monsieur, un sarrasin! Un sarrasin dans une chariote du diable! Oh là là, monsieur, venez voir! Là, monsieur, là! Trois propositions. Ben non, mais j'attendais que tu me lances trois propositions. Que je fasse le hockey. Ouais. Trois okay. propositions. Soit les inconnus, soit les bronzés, ou bien les visiteurs. Si vous avez la réponse, vous envoyez le code FUN, F-U-N, pour commencer votre message, suivi de votre proposition. Tout ça au 63-22. Allez, bonne chance à vous. Benny Benassi, c'est calé avec Chris Brown dans un instant sur Fun Radio. Et X-Body, c'est la technique que nous allons tester ce matin pour faire du sport. 20 minutes de sport égale 1h30, vous imaginez? En tant qu'indépendant, vous cherchez toujours les prix les plus compétitifs. Mais vous ne transigez jamais sur la qualité. Oui, d'accord. Mais à prix plancher. Le prix ne fait pas tout. Et pour votre entreprise, vous êtes prêt à investir. C'est pourquoi Volkswagen a ce qu'il vous faut. Le Cadivan Startline a seulement 10 990 euros hors TVA. Non, c'est Volkswagen qui a ce qu'il vous faut. Le Cadivan Startup, avec Airco, radio, vitre et rétroélectrique, a seulement 11 990 euros hors TVA.

Mathieu Canabi va arriver dans un instant sur Fun Radio. Si vous voyez des bouchons, des radars, n'hésitez pas à nous informer. SMS 3044, je passerai le message à toute la communauté Fun Radio. Si vous êtes du côté de Wavre, de Louvain-la-Neuve, de Warem, de Verviers, de Tournai ce matin, ou encore de Soigny. On est avec Simon de chez Xbody ce matin, qui nous révèle comment on peut faire une heure et demie de sport, l'équivalent d'une heure et demie de sport en 20 minutes. On va tester ça avec Justine dans un instant. Ce sera juste après les infos, la météo. Les toutes dernières informations, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Evan, bonjour à tous. Pour le Premier ministre Charles Michel, les négociations avec les syndicats au sujet des prisons sont terminées. La CSC et la CGSP n'ont toujours pas signé le protocole d'accord et ont adressé une contre-proposition à Charles Michel qui estime quant à lui que tout est dit et qu'il n'y a donc plus aucune raison de poursuivre la grève. 480 gardiens supplémentaires sont prévus, ainsi que la rénovation de prisons et même via le master plan la construction de nouveaux établissements. Le gouvernement reste disposé à accueillir la CGSP et la CSC pour signer le protocole d'accord. Selon les premières analyses de la boîte noire contenant les données du drame ferroviaire de Saint-Georges-sur-Meuse de dimanche soir, le conducteur de train de passagers aurait freiné trop tardivement. Il aurait bien vu le feu double jaune et activé le signal pour assurer qu'il l'avait vu, mais sans actionner le freinage. Roulant à 110 km/h, il n'aurait freiné qu'en voyant devant lui le train de marchandises, réduisant alors sa vitesse à 90 km/h. À cette vitesse, la collision était malheureusement inévitable. Le conducteur, en activant le signal, aurait en outre désactivé les systèmes de frein automatique. Une cellule d'experts a été mise en place, mais les investigations vont durer plusieurs mois. Officiellement lancé le 1er juin 2015, le service de médiation pour le consommateur a reçu au cours de sa première année de fonctionnement près de 3000 plaintes, dont près d'une sur cinq étaient liées à un problème de garantie. Les enseignes de magasins en électroménager sont principalement touchées par ces plaintes. Près de 60% des plaintes réceptionnées ont été clôturées à l'issue de l'année 2015. Dans près de la moitié des cas, le dossier a débouché sur un règlement amiable, tandis que 13% des consommateurs ont choisi de retirer leurs plaintes au cours de la procédure. Enfin, dans 4 dossiers sur 10, le service de médiation pour le consommateur a émis une recommandation, aucun règlement à l'amiable n'ayant pu être négocié. Dans le reste de l'actualité, deux hommes ont ouvert le feu hier soir dans un quartier animé de Tel Aviv. Trois personnes ont perdu la vie, plusieurs autres ont été blessées. Au moins l'une d'entre elles se trouve dans un état critique. La police a d'abord indiqué qu'il n'y avait qu'un tireur, avant qu'un porte-parole des forces de l'ordre annonce qu'ils étaient en fait au moins deux à perpétrer ce qui semble être une attaque terroriste. La police a fait feu sur ces deux individus. L'un a été blessé et emmené à l'hôpital avec ses victimes. La fusillade s'est produite dans le quartier festif de Sarona, au cœur de la ville et à proximité du quartier général de l'armée israélienne. Un petit mot de sport pour conclure, pour vous dire qu'Ostende est devenu champion de Belgique de basket pour la 17e fois de son histoire hier et la 5e fois de suite grâce à sa victoire à Alost. Les Côtiers n'ont donc pas dû attendre une 5e manche pour sabrer le champagne. Déjà vainqueur cette année de sa 17e Coupe de Belgique, Ostende compte désormais 17 titres de champion. Les Côtiers réussissent un 4e doublé Coupe Championnat de suite. La météo pour aujourd'hui, jeudi, avant qu'on découvre cette technique X-Body qui vous permet de faire en 20 minutes l'équivalent d'une heure et demie de sport. On est en train d'équiper Justine actuellement d'une combinaison. Elle est belle la combinaison, hein, sans déconner. J'ai pas dit Justine. Ça te va bien. Sérieux, non, Doudou, t'es toute mimi comme ça. On va mettre les photos rapidement sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. La météo, Jean-François. Le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées. Les maxima de température s'échelonneront de 16 degrés en bord de mer à 18 à 21 degrés dans les autres régions. Et puis demain, la journée débutera sous le soleil avant un retour des nuages. Le risque d'averse va augmenter pendant le week-end. Le temps de la semaine prochaine sera quant à lui toujours aussi variable et souvent nuageux, avec un risque quotidien de pluie ou d'averse. Prochain rendez-vous de l'info, c'est le dernier de la matinée, c'est à 9h. Et tout de suite, le son dance floor est de retour sur Fun avec Mathieu Canabi. Petit déj gratos. Déconne et son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. She's Miss California. Heard a thing it wants to lay. Housing by the water. Save the yacht across the bay. Drives a Marinello. Hollywood's a favorite scene. Loves to be surrounded. The superstar, they know her name. Comme un aimant, elle m'attire, mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant, même si tout nous oppose, raison ou tentation. Pourtant, j'hésite lorsque je plonge dans ses yeux. comprends mieux pourquoi. She's Miss California, c'est trop pour moi. Superficielle, je crois. Je ne me vois pas perdue dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Elle m'a emmené. J'ai voulu tenter le coup. Avec elle, j'ai voulu jouer. Mais l'amour m'a rendu fou. She's Miss California. Sur Fun Radio, le son de Matine dans un instant avec Café Del Mar 2016 va arriver. Nous testons ce matin avec Simon de chez Xbody une combinaison magique qui va permettre à Justine de faire l'équivalent d'une heure et demie de sport en 20 minutes. On va lancer le top départ dans un instant, donc ce sera de 8h40 jusqu'à 9h. Rapproche-toi du micro, ma doudou. Je viens de prendre une photo, je l'ai mis sur mon Facebook privé, alors il faut le partager absolument sur Evan et la tribu. T'es un peu en combinaison de Lara Croft ce matin. Ouais, je sais pas si je ressemble vraiment, mais. Ça te va plutôt bien, et comme il est 8h37, je peux pas utiliser un mot particulier, mais tout le monde va y penser fortement. Tu es plutôt. Ah, merci, c'est gentil. Vraiment. Ça vient du cœur, hein. C'est comme ça qu'on appelle. Donc, comment tu te sens dans cette combinaison? Un petit peu déjà trempée pour faire passer? Mais oui, en fait, ils mettent de l'eau partout, apparemment, pour mieux faire passer le courant. Alors, et là, on est en train de régler les petites décharges qu'on donne. Alors, je sens un peu, mais. Tu sens un peu l'électricité qui ouais, passe ça, ou, ça fait des. T'as combien de pourcentage pour l'instant, Simon? Là, pour l'instant, je suis qu'à 11. 11%, ouais. Et les gens supportent jusqu'à combien alors? Oh, ça dépend. Un sportif de haut niveau, je suis déjà monté jusqu'à 80%. Mais au-delà, ça devient insupportable. Non et on a peut-être qui arrive. Au-delà, il y a Electrabel qui dit oh là, ça pompe trop d'électricité. Alors, ils ont un ordinateur incroyable hein, qui gère par informatique cette combinaison géniale. Xbody, on rappellera d'ailleurs tout à l'heure que vous pouvez directement faire venir l'équipe d'Xbody chez vous hein, pour faire du sport à la maison ou directement aller dans leur salle. On rappellera l'adresse tout à l'heure. Justine, avant qu'on démarre la séance de coaching ce matin avec oui. Xbody, on va reposer la question du jour qui vous permet de repartir avec un overboard de chez Urban Wheels. On vous fait simplement écouter un extrait de film et vous devez deviner bah, justement de quel film est-ce que ça vient. Écoutez. Mais si ! Un sarrasin ! Un sarrasin dans une chariote du diable ! Oh là là, messire, venez voir ! Là, messire, là ! Ok ! Et 8h39, comment répondre à cette question ? Alors, s'agit-il des inconnus, des bronzés ou bien des visiteurs ? Si vous avez la réponse, vous envoyez le code FUN, F-U-N, suivi de votre proposition, tout ça au 63-22. Simon, j'ai pas mal de questions pour toi des auditeurs. La première, c'est salut les amis, coucou, est-ce qu'on peut me dire où se trouve le X-Body? Je suis de Charleroi. Voilà, on peut le plus près pour Charleroi, c'est aller c'est, faut aller où ? Le plus proche pour Charleroi, normalement, c'est Lannes. D'accord, et donc place les, communale, les voilà. Autres centres, c'est à quel endroit? Alors, il y en a un donc à Wavre. Mm-hmm. Non, celui-là n'est pas encore construit, donc on est encore occupé sur le projet. Et on fait aussi beaucoup à domicile pour l'instant. Un site internet pour vous découvrir Xbody.be. Tout simplement. Et puis un garçon, hein, je précise, qui s'appelle Justin Slover, c'est comme ça qu'il se surnomme, nous dit est-ce qu'il y a un objet de plaisir intégré dans la combinaison? Avec cette option, Justin perdrait au moins 2000 calories en 20 minutes. Non, c'est pas encore lancé. C'est pas prévu. Mais pensez-y, je pense que ça peut fonctionner. Prêt pour le démarrage Justin, ouais. Équipé de la combinaison Xbody. Sport. Alors, qu'est-ce qu'elle. Je pensais qu'il n'y avait rien à faire. Ah oui. Alors, elle va faire quoi là en premier Là, on va commencer par les squats, donc déjà la base. C'est quoi le squat? Le squat. C'est les gens qui n'ont pas de domicile? Non. Désolé. Non, mais c'est parce que je ne sais pas donc ce que c'est. Donc, c'est s'accroupir par les jambes. D'accord, ça, ça fait travailler les fessiers, ça. Ouais, fessiers et tout ce qui est jambier. D'accord, et il y a quoi donc? Qu'est-ce qui fait bosser les abdos? Les abdos, t'as les crunchs. Ah, les, j'ai testé différents. Les crunchs, c'est génial ça. Tu fais 50 crunchs, t'as mal comme si t'avais fait 200 abdos. J'en fais tous les matins. Je vais faire pire aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Mesdames et messieurs, on va tous compter en même temps. 3, 2, 1, top, c'est parti. Justine démarre l'exercice. Pendant ce temps-là, nous, on va envoyer le son de Matine avec Café Del Mar 2016. Rassurez-vous, on prend des vidéos, on fera un petit best-of sur le Facebook de l'émission Evan à la tribu. Elle est à 32% ce matin. Ça va, ma doudou? C'est pas trop fort? Non, ça va, pour l'instant, ça va. Elle a peur, elle a peur. Bah, il est terrible, ce festival. En plus, j'adore ce groupe. Ah ouais, moi aussi. Mais dis, ça serait pas mieux si on était à l'intérieur du festival, quand même. One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Qwid présente... Chaque inconvénient a son avantage. Inconvénient. Vous devez faire le plein. Oui, je dois faire le plein. Avantage. Cette semaine, dans tous les Qwid avec Deleuze Shop & Go, vous trouvez un poulet rôti à emporter pour seulement 4 euros. Un poulet rôti? Et il n'y a plus qu'à le réchauffer? Oh, c'est du luxe. Ça, c'est un bel avantage quand on veut vite trouver en cours de route une idée pour le dîner. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Passez donc maintenant dans un Qwid près de chez vous. Action sous condition. C'est grave, docteur? Non, c'est une petite Bentekit, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin. En exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Info en magasin et sur faitonlefoot.be. Addict, le nouveau titre de Jepsar avec Liam Summers et Natel. Addict, le nouveau single de Jepsar. Le son de l'été. Maintenant disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne et les services streaming. Taré comme jamais, tous les matins 6h-9h, Evan et la tribu sur Fun Radio. 9h45 sur Fun Radio. Ellie Goulding va arriver juste avant 9h. Bonjour Evan et la tribu. J'ai envoyé un joli message privé à Justine il y a quelques semaines, mais elle n'a pas répondu. Je suis toute triste. Est-ce que c'est possible qu'elle s'occupe de moi? Merci. Ce n'est pas pardonnable, mais grâce à votre bonne humeur quotidienne et collective, vous me faites rire tous les matins. Eh bien, je me réveille beaucoup mieux de bonne humeur. Justine, ce matin, teste, et nous testons dans cette émission, la combinaison X-Body gérée par Simon. Alors, Simon, tu es en train de lui faire faire des exercices. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, en te rapprochant du micro, ce qu'elle fait depuis maintenant? Elle a commencé l'exercice il y a combien de temps? 5, 6, 7 alors, minutes ça voilà. fait 3-4 minutes qu'elle a alors, je précise aux auditeurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en fait, elle a enfilé une combinaison, genre on dirait la combinaison de Lara Croft. C'est connecté à un ordinateur, connecté à des électrodes, et elle doit faire des exercices, bon, pas très compliqués, mais stimulé par les impulsions électriques. En fait, ça lui fait travailler les muscles beaucoup plus. C'est-à-dire, par exemple, quand elle travaille les fessiers, ça fait quoi? Ça fait bouger les muscles en même temps? Ah non, donc en fait, ça envoie des impulsions électriques qui vont faire en sorte que tout le muscle soit stimulé beaucoup plus qu'une connexion neuromusculaire. D'accord. Donc ça veut dire que ça travaille de manière plus intense grâce à la combinaison. Combien ça coûte une combinaison comme ça La machine plus combinaison revient à 15 000 euros. Sans déconner ! Ah oui, effectivement. On va jouer Euromillion demain, puis on va voir si on pourra s'en acheter une pour nous dans l'émission. C'est vrai qu'après 2 ans de morning, avec tout ce qu'on a bouffé dans l'émission, on a bien besoin de faire un petit peu de sport. Comment tu te sens, Justine ? Raconte-nous un peu. Fais partager tes expériences. Franchement, c'est dur. C'est toute rouge, non ? Non, franchement, t'es pas rouge. Par contre, c'est toi qui fais jamais de sport, t'as pas l'air épuisé pour le moment. Hein. T'as l'air de souffrir, mais... C'est dur, mais c'est super. Il paraît que t'auras mal demain ou après-demain dans tous les muscles. Allez, on continue cette séance. On fait des vidéos évidemment qu'on mettra sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Et dans un instant, je vous rappellerai comment vous allez pouvoir remporter grâce à Urban Wheels ce matin votre hoverboard sur Fun Radio. Ce sera juste après Ellie Goulding. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Ah Coralie, comment vont tes cheveux? Écoute, mal. Attends, Levi, t'as pas envie de prendre une fois Coralie dans une de tes vidéos make-up pour la transformer, s'il te plaît? Mais dis! Attends, mais d'abord, moi j'ai envie de savoir pourquoi ses cheveux iraient mal. Bah, parce que regarde, on dirait Hagrid. Bah oui, t'as vu? Bah, ça change pas d'habitude. Tous les soirs, dès 20h, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun! Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Châteaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 euros de réduction sur le kilo de Châteaubriand. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Fun Radio. Dance Floor Music. Keep it locked. Fun Radio. Le son Dance Floor. What beat is one? We used to have a love that felt so strong. Remember lying in the solar sun. Just take me back where we belong. I'm longing for your touch that felt so right. I know that we can go for real this time. Just tell me that you are the only one. And take me back where we belong. You by my side, you make me come alive. Don't give up, I'm holding on. Don't leave me here this way. I just need you to stay. So take me back where we belong. I'm Ils sont là pour vous secouer dès le matin. Oh yes! Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. It's a strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm dead. Fun Radio, je vous ai calé Tout Jameau et Taio Cruz, c'est ce qui débarque. 10 Dance Floor et de la déconne, 8h54, c'est Evan, c'est la tribu, on est là jusqu'à un peu plus de 9h et nous testons avec Simon ce matin la combinaison X-Body qui permet, en fait, qui vous permet de faire 1h30 de sport en 20 minutes. Et alors je peux vous dire que Justine là, qui est en train de tester, lui reste à peu près 8 minutes d'essai. On y croyait un peu moyennement au début, on se dit ah, allez, elle va pas souffrir. Et ben si, franchement, on a l'impression que ça fait 1 heure qu'elle est en salle de gym. Et pourtant elle fait des exercices simples, mais comme elle est avec une combinaison, on a mis la photo sur le Facebook de l'émission, et que la combinaison est stimulée par plein d'électrodes et aussi gérée par un ordinateur, et ben du coup elle souffre, oh, la pauvre. Alors j'en peux plus. Comment ça se passe ma doudou? Mal. T'as vu, le sport c'est génial hein. Non mais c'est terrible. À un moment, elle était en sueur, elle était essoufflée, et elle me dit « Ah, oh, putain, je suis crevée !» On lui a répondu « Mais c'est ça, le sport, Justine, comme elle n'en fait jamais. » T'as mal où, ma doudou? Bah là, aux cuisses. Allez, courage. Il reste 6 minutes d'exercice. Et alors, pour vous en rendre compte, elle va vraiment dépenser 6 à 700 calories dans cet exercice. En 20 minutes, ce qu'elle aurait dépensé, si elle avait fait 1h30 de sport. Jean-François, toi qui es très sportif, je vois que ça te fait souffrir. Ah ouais, ça me fait souffrir. Parce qu'il me fait surtout rire, c'est qu'elle est en train de dépenser. Comme on va aller déjeuner après, elle va tout prendre. Allez, le cheeseburger pour Justine. Après. On va rappeler que vous pouvez remporter aujourd'hui un magnifique hoverboard qui est offert par Urban Wheels. D'ailleurs, allez faire un tour sur urbanwheels.be pour aller mater tous les hoverboards qui sont proposés et que vous pouvez donc acheter pour vous faire plaisir, plaisir à la famille. Et nous, on vous en offre ce matin des hoverboards. Tu vas pas laisser Justine expliquer le jeu, ça peut être drôle. Pendant qu'elle... Alors vas-y, c'est quoi la question pour gagner l'hoverboard du jour, ma chérie ? Je sais pas. Allez, vas-y, pose la question. On vous fait passer un extrait, écoutez. Un sarrasin ! Un sarrasin dans une chariote du diable ! Oh là là, messieurs, venez voir ! Là, messieurs, là ! Alors, trois propositions de réponse, Justine, ce sont lesquelles ? Les inconnus, les bronzés ou les visiteurs. Elle est essoufflée un petit peu, la petite. Hein. Si vous avez la bonne réponse à cette question, vous envoyez votre proposition de réponse par SMS. Vous commencez votre message par FUN, F-U-N, suivi de votre message au 6322. Et ce matin, c'est Urban Wheels qui vous offre l'Overboard Iron Man, qui est même en rupture de stock. C'est-à-dire qu'on allait les derniers à vous offrir ici, ils sont dans les studios. Ce sera peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous. Je vous souhaite bonne chance. 8h57 pour aller jusqu'aux infos et la météo. Voici Tout J'aime et Taïo Cruz sur Fun Radio, c'est Booty Bones sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, bonne journée. Radio, je souhaite un bon anniversaire à Déborah aujourd'hui qui a 16 ans. Il y a également Maxime qui fête ses 20 ans qui est du côté de Liège. Bon anniversaire si vous êtes né à 9 juin. Si vous voulez qu'on fête un anniversaire à quelqu'un de votre famille, un copain, quelqu'un du boulot, n'hésitez pas à vous envoyer Anif par SMS au 3044 ou nous écrivez directement sur latribu@funradio.be. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Dans un instant, l'overboard de chez Urban Wheels a gagné. Il est 9h sur Fun Radio. Fun Radio. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be.

raison. C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. Je t'avais cru soumise, mais ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir, j'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Julien Peretta, Tayo Cruz, Alex Germis, voilà ce qui est calé pour la suite. C'est l'arrivée de Lloyd qui vous accompagne jusqu'à 13h avec un beau soleil. C'est ce qu'on a sur Bruxelles. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, dites-le nous par SMS au 3044. Vous donnez votre ville, le temps qu'il fait et votre prénom. Et là, dans la minute qui va arriver, je vais vous lire directement. Donc SMS 3044, nous il fait beau à Bruxelles et chez vous, quel temps fait-il en ce moment? On avait hâte quand même que le soleil arrive. Bonjour Lloyd. Bonjour Evan. Lloyd qui débarque avec plus de 40 minutes de son dance floor non-stop toutes les heures. C'est jusqu'à 13h. Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé ce matin dans le studio, dans la dernière partie de l'émission? J'ai pu voir Justine dans une position un peu improbable. Alors elle faisait du sport, c'est du surtout sport, le fait qu'elle fasse du sport qui est un peu improbable pour Justine. C'est parce ça, que ouais. C'est vrai qu'en travaillant le matin, c'est notre deuxième saison, on a tendance à manger un petit peu des crasses. Ouais, le sport se fait au McDo pour Justine. Oui c'est ça. La moyenne de prise de poids pour les gens qui font le morning, c'est 7 kilos. Hein, et on a vu beaucoup plus l'année dernière. Et pour ceux qui font l'émission juste après, c'est 10 kilos en fait. T'as pris combien toi? 10 minutes. Alors il y a Simon de chez Xbody qui est venu ce matin. Justine a enfilé la combinaison, elle a fait des exercices pendant 20 minutes. Et alors c'était incroyable parce qu'on n'avait pas l'impression qu'elle faisait des exercices super durs. Mais avec la combinaison, et bah, tu termines une séance de 20 minutes comme si t'avais fait 1h30, 2h de sport. T'as l'air épuisé. Je suis hyper cassée et j'ai super chaud. Raconte-nous un petit peu ce que t'as vécu parce que vraiment, tu sais. Nous on l'a vu, on mettra les vidéos sur le Facebook de l'émission. Mais c'est toi qui l'as vécu avec cette combinaison incroyable qui stimule tout le corps, tous les muscles d'un seul coup. Alors en fait tu fais tes exercices normales. Donc t'as mal comme si tu les faisais chez toi en mode normal. Mais en plus de ça t'as des petits frétillements dans tous les muscles. Et t'as l'impression d'avoir des crampes. Alors sur le moment tu te dis que c'est dur. Mais maintenant que c'est fini je me dis en fait 20 minutes c'était pas si long. Et je le referais bien quoi. Donc là t'as envie de recommencer hein. Bah si c'est pour vraiment perdre du poids en un mois. Il me disait qu'on pouvait perdre 3-4 kilos. Ouais largement parce qu'en fait c'est dur sur le moment. Mais 20 minutes c'est rien comparé à du vrai sport. Alors Simon, est-ce qu'elle a été une bonne élève notre Justine Nationale? Bah, honnêtement ouais. Ouais. Ah. Ouais, elle a peiné. J'ai bien poussé la continuer. Sur le gainage à la fin, c'est vrai qu'elle. Il reste combien? Il reste combien? Et on l'encourageait. Alors, on va rappeler où est-ce qu'on peut faire et tester cette combinaison X-Body partout en Belgique. Explique-nous tout. Alors, Lannes, Uccle et Wavre. Et à domicile, bien sûr, aussi. D'accord. Donc, il y a toutes les infos qu'il y a moyen de retrouver sur xbodystudio.be. Alors, vous allez directement pouvoir tester hein, donc, cette combinaison X-Body. Donc, on rappelle que vous pouvez venir directement à domicile. Oui, c'est bien ça. Voilà, une petite séance de 20 minutes, équivalent d'une heure et demie de sport. Il faut en faire combien pour que ce soit très efficace des séances? L'idéal, nous, ce qu'on recommande, c'est deux fois par semaine, 20 minutes. De toute façon, il y a besoin de 72 heures de repos entre deux séances. D'accord, bah en tout cas c'est noté. Pour être prêt cet été à vraiment être au taquet pour aller sur la plage, vous allez donc tester X-Body. Merci Simon d'être passé nous voir et de nous avoir montré ce qu'on peut faire avec la technologie. C'est juste un truc de ouf, merci beaucoup. Justine, on va terminer avec la question du jour, est-ce que tu peux nous la rappeler? Alors je vous passe un extrait, vous deviez deviner à quel film est-ce qu'il appartenait, écoutez. Monsieur, un sarrasin! Un sarrasin dans une chariote du diable! Oh là là, messieurs, venez voir! Là, messieurs, là! Il y avait trois propositions. Et c'était les inconnus, les bronzés ou bien les visiteurs. On va faire sonner chez quelqu'un qui s'est inscrit au 63 22. Si vous décrochez, vous repartez avec votre hoverboard de chez Urban Wheels, urbanwheels.be. Allez mater le site internet pour voir tous les produits qu'ils proposent. Et c'est en plus, c'est du belge, hein, c'est du 100% belge, donc allez-y, urbanwheels.be. Ça sonne. Je sais, jusqu'ici, bonne nouvelle. Oui, allô. Bon, oui, bonjour, quel est ton prénom ? Hélène. Bonjour Hélène, tu as une très belle voix, c'est déjà la première chose que je voulais dire, Hélène. Hélène, tu habites dans quel coin ? À Andinelle, quelle est la... Vertine. Je t'ai un petit peu gênée en me disant que tu avais une belle voix ? Non, pas du tout, tout va bien. Mais je le pense vraiment, c'est sincère. Hélène, quelle est la réponse à la question de Justine ? Les visiteurs. Justine, est-ce la bonne réponse ? C'est la bonne réponse ! C'est gagné ! Yeah. Félicitations, écoute ce que tu as remporté grâce à Urban Wheels. Et tu repars avec ton hoverboard spécial Iron Man d'une valeur de 700 euros. Félicitations Hélène. C'est pour toi ou c'est pour quelqu'un d'autre ? C'est pour mon petit garçon qui va avoir 12 ans le 25. Ah, oh, ça va lui faire plaisir. Donc voilà. Surprise. T'as une petite larme, j'ai l'impression. Oui, j'ai une petite larme. Oh, ma doudou. Hélène, je te fais des milliards de bisous. Pour les autres, il y aura encore votre chance demain entre 6h et 9h de repartir avec votre hoverboard de chez Urban Wheels. Je t'embrasse très fort, Hélène. Ne raccroche pas, je vais te repasser Billy Boy au standard. Bisous, ma doudou. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Bisous, Hélène. Je vous avais demandé tout à l'heure quel temps il faisait chez vous, puisque nous, on disait qu'il faisait beau aujourd'hui à Bruxelles. Il y a Laura qui nous dit que du côté de Sint-Pietersleu, il y a 16 degrés qu'il fait beau. Du côté de Nivelles également, ce matin, il fait chaud aussi. Voilà, aussi chaud que chez nous. Sur Liège, c'est un petit peu couvert également. Donc voilà, envoyez vos petits messages à Lloyd, SMS 3044. Avant de se dire au revoir, rappel de l'adresse du petit-déj du jour. Petit-déj gratos, on est où ce matin ? On est à Stockel, vous allez au Pain Quotidien qui se trouve avenue de Innisdal, au numéro 6, et ça au lieu. Et Saint-Pierre et Quentin vous attend pour vous offrir un pain au chocolat ou un croissant par personne. Demain, il y a un événement, Justine. Et demain, c'est le début de l'Euro. Le début de l'Euro, on fera des pronostics demain, on verra qui de l'équipe sera le plus proche ou même peut-être vous. À demain, 6h, on sera là. Bisous tout le monde. Gros bisous, Evan, on est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio dans un instant. Julian Peretta, il y aura aussi Taïo Cruz avec Break Your Heart. Et voici Alex Germis, c'est du belge, j'adore. Suite Afterglow sur Fun.

Sur Fun Radio. Hi, I'm Calvin Harris. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Fun, this is what you came for. Fun Radio. Les sons dance floor. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Ooh, ooh, ooh, ooh.